vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 30 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Je vais glisser mon nom. J'ai de la comprendre. Jean-Philippe Charbonneau. Salut, Jean-Philippe Charbonneau. On a aussi David Ferron en studio avec nous qui va faire sa chronique vers les 8h tantôt. Bon matin. Ben, bon matin. C'est le fun. T'as un élève qui fait des jokes, jeux de mots assez douteux. Je pensais t'allais dire presque aussi mauvaises que les tiennes. Oui. Ben, ça a quand même son charme. Est-ce que tout le monde s'est pété la gueule le matin? C'est certain. C'était le fun, hein? Oui, mais moi, je suis juste au stade de l'étirement du dos. Okay. Ben, je suis pas tombé, mais j'ai les bras qui ont fait. Ah! Ouais. Là, j'ai peur de coincer. Je suis malheureusement tombé ce matin. Je me suis fait un petit peu mal au poignet, mais je pense que je vais me replacer bientôt. Hein. Toi, David, ça va? Ben oui, si le gouvernement Harper était une condition météorologique, on saurait de quoi désormais ça a l'air. Wow. Commentaire éditorial ici, hein? On commence en force. Oui, c'est pas pire, c'est pas pire. François Landry sort de ce corps. Oui. Donc, aujourd'hui à l'émission, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous réserve des surprises. On va avoir tellement de monde en studio que vous ne saurez plus où donner de la tête et moi non plus. Donc, commençons avec Stéphanie Paradis qui va être avec nous à 7h30. Si tout va bien pour elle, parce que d'habitude, elle est avec nous dès le début de l'émission et j'imagine que c'est pas encore arrivé, c'est qu'elle a peut-être des problèmes de voiture. Hein, qu'on va... Ben oui, elle a peut-être essayé de tourner puis finalement, elle a continué tout droit. Oh, j'espère que non. Donc, Stéphanie Paradis et les bonheurs de l'épicerie dans sa chronique, les petits bonheurs. David Ferron, comme on l'a dit, va nous faire entendre la musique franco-carnavalesque. Peux-tu nous donner un petit peu plus de détails sur ta chronique, David? Ben, en fait, c'est surtout instrumental. De la musique autant classique, tribale, qu'on va écouter. Donc, on va s'ouvrir les horizons grâce à la chronique « La langue dans ton oreille ». Et je tiens à dire, Jean-Philippe, ce n'est pas une émission de conseils linguistiques ou encore sensuels. Moi, je suis content d'avoir des écouteurs. Ça cache tout, ça. Ça cache mes oreilles. Ouais. Et avec le froid, on pourrait porter des cache-oreilles par-dessus nos écouteurs. Ce serait chic. À 8h30, Annabelle Maton va partager des coquineries dans sa chronique « Je t'aime moi non plus ». Et on va recevoir en deuxième heure, Danny Janvier, vous le connaissez du Dîner de cons, c'est le con en chef. Il va être là pour nous parsemer ça de petits commentaires. Tu sais, il aime bien ça, des affaires de cul. Je suis prêt. Ouais. Good. On va débuter l'émission tantôt avec Sam Smith, ça devrait pas en là. Donc, on va se faire sur ça de gadgets insolites. C'est tout à l'heure. Mais pour l'instant, on écoute Rouge Pompier. Quel extrait nous propose-tu, Jean-Philippe? Tu me prends toujours de cours. Écoute, allons-y, pourquoi pas pour Rouge Pompier? Rouge Pompier, la chanson on t'aime. Ben voilà. Si on veut. C'est pas mal plus fun que Pimpin et Pompon sur le Pimpin Pompier, comme chanson thème. Oui. Pimpin et Pompon. C'est des pompiers. Du fameux nouveau CD. Trame sonore de Pimpon, le ouais. Film. Oui, avec... Ah oui, je pense qu'il y avait un gars qui jouait dans Robin Stella là-dedans. Oui, puis il joue dans Le Prestige Astronaute aussi. Ah oui, c'est vrai. Souvenir? Oui. Souvenir. Rouge Pompier, Assemblage requis au 89.fm. La tête ailleurs d'Audionaut sur Assemblage Requis. Toujours avec Jean-Philippe Charbonneau, David Ferron, Annabelle Maton, Stéphanie Paradis, Mathieu Plante. Ben toujours, on n'était pas arrivé tantôt. Salut, non, Mathieu, c'est vrai. Hey! Vous êtes là depuis aussitôt qu'on a terminé l'intervention de tantôt, ils sont arrivés, donc j'ai l'impression que c'est depuis tantôt. Ben oui, on a eu un petit problème de verglas. Ben évidemment. Pas de pétage de gueule aujourd'hui? Non, mais ça a vraiment passé proche. On a lâché quelques petits cris stridents pour réveiller tout le voisinage chez nous. On a fait du patinage artistique. Maintenant que c'était vraiment cool. Les arabesques s'enchaînaient, triple piqué et d'autres termes que je ne pourrais appliquer. On s'accrochait après les voitures avec toute une grâce. C'était splendide. Ouais. Que tu ne saurais pas appliquer. Appliquer. Okay. Donc tout le monde, c'est le moment d'acheter des choses. Encore, vous le savez, on a un budget illimité ici, assez fou, et on se procure chacun de ces gadgets dans la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Et ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. C'est la chronique des gadgets ridicules trouvés sur Internet, bien évidemment. Nulle part ailleurs, hein? La chanson qui... OK, bien joué. Bon, donc, commençons par des blocs Lego qui ne sont pas fabriqués par Lego, mais qui sont en bois. Si vous voulez rajouter de la classe à vos blocs Lego, là, vous avez peut-être la fibre un petit peu plus verte. Hipster. Exactement, hipster. Donc, c'est des Lego, évidemment. Façon Lego, donc ça s'abrique dans des Lego normaux ou les autres en bois. Dans le fond, c'est comme mix and match. Tu peux prendre des vrais Lego et les mettre sur ces blocs-là parce que c'est fait exactement pareil. C'est fait d'érable japonais, OK, par un designer qui s'appelle Moku Roku. Donc, c'est super beau. Ça vient dans une petite boîte. C'est joli. Vous trouvez pas? C'est beau. Ben, je sais pas, c'est beige. Ben, c'est beige. Il y a différentes teintes de beige. Ben, tu peux le peinturer. Oui, c'est vrai, tu peux le polir, le verner. Oui. tu peux faire un patio avec ça chez vous, ta piscine. Non? Ça serait vraiment cool qu'ils prennent du bois recyclé. Ah. Mais pas du bois recyclé, mais tu sais, qu'ils recyclent du bois pour en faire. Ça serait encore plus écolo. J'avoue, tout à fait. On pourrait leur envoyer une lettre. Oui! Écrite sur de l'écorce. Ouais. Ouais, OK. Donc, ça coûte 32$. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Ensuite, on a parlé la semaine passée d'un bol de ramen où on pouvait installer son iPhone dans un socle. On se rappelle de ça, c'est tout ça. Yep. Ici, c'est encore mieux. Si vous avez un verre de café, vous allez vouloir texter et tenir votre verre de café en même temps. Et là, c'est difficile de texter. Mais comment faire? Donc, tu as un rack de plastique, OK, et c'est un case. Donc, ton iPhone va dans ce case-là et ça se défait pour mettre un verre de café Starbucks dedans et continuer de texter alors que ton verre est devant toi, pogné après ton iPhone. Donc, tu pourrais vraiment te texter, te lever les bras puis prendre une gorgée. Peut-être ça pourrait être dangereux pour ton iPhone, mais... Moi, je sais pas, j'ai l'impression que le poids du café va être un peu trop élevé. C'est l'impression que j'ai quand je vois ça. T'es une fille très, très terre-à-terre, là. Tu vois les choses réalistes telles qu'elles sont. Je suis plate, hein? C'est vrai. Ça s'appelle l'Upper Cup. C'est un projet sur Indiegogo en ce moment. J'ai l'impression qu'ils ne se rendront pas jusqu'à leur but. C'est un genre de Kickstarter équivalent. Tu vois, ils sont à 845$ sur un but de 25 000$. Oh! Mais il leur reste 31 jours. Ben, quand même. On leur souhaite bonne chance. Ben, extrêmement bonne chance. Allez voir la petite vidéo qui vous montre comment ça fonctionne. Et là, c'est du... ben, évidemment, t'as le gars qui a de la misère à tenir son café, puis après ton téléphone, puis alors là, ses affaires tombent à temps. Hop, là, il renverse son café sur son téléphone. Dramatisation, là. Oui, ça devrait être en noir et blanc, puis avoir un symbole avec une ligne dedans, comme des infos rouges. Puis le gars pas coiffé pour montrer qu'il est vraiment comme un peu troublé par les événements. Ils sont tout le temps bien troublés. Donc, c'est ça, ce qu'on voit dans la vidéo après ça pour montrer le produit, c'est vraiment clairement du design After Effects, je sais pas trop quoi. Donc, le produit n'est pas fabriqué encore. Je pense qu'ils ont pas vraiment pensé aux désavantages que ça pourrait avoir. Mais bon. Prochain problème, votre homme ou votre femme, dépendant des cas, ne sent pas assez masculine. OK? Sentez pas assez l'homme. Ça arrive, ça. Donc, il vous faut Man Hands, Manly Scented Soaps. Parce qu'il faut sentir de plus en plus viril dans la vie si on veut attirer la personne que l'on veut. Hein? Tu connais ça, Jean-Philippe, toi, qui est si viril et mâle. Et... Ben oui, mais c'est grâce au savon. C'est grâce au savon à saveur ou à senteur, pardon, pas saveur. À saveur. Mangez pas votre savon, s'il vous plaît. À senteur de bacon, de gants de baseball, okay, de feu de foyer ou encore de bière. Je le sais pas, là, mais moi, quand je me cherche un homme, s'il sent la bière ou le feu de camp, je sais pas. Surtout le bacon, c'est vraiment dégueulasse. Il a l'air de revenir de chez sa job à chez Burger King, mais je sais pas quoi. Donc là, quand t'as fini un puis tu commences l'autre, tu peux sentir deux affaires en même temps. Ah, mais tu sais que votre foyer, à la limite, ça sent bon. C'est vrai, mais ça manque de guimauve puis de chocolat. Mais j'espère qu'il n'y aura pas la mauvaise idée d'échapper son savon. Puis là, tu te plais d'une plonge, puis là, c'est tes fesses qui sentent le bacon. Okay. C'est ce qui m'est arrivé cette fois. Anecdote. Bon, okay. Déjeuner. Il y a d'autres senteurs. Vin rouge. Vin rouge, j'aime ça. À senteur de républicain. Je sais pas si tu vas sentir le Mitt Romney. C'est quoi ça? Oh my God! C'est vrai que c'est des jambons, les républicains. Ah! C'est des jambons. Butterball! Okay. Ça, c'est des dindes, je pense. Mais oui. Topsoil, ça, c'est de la terre, OK? De la terre. Tu sais, les petits gâteaux qu'on met dans les urinoirs, les urinal cakes. Les petits gâteaux. Les petites paparmas. Comme un Joe Louis, les passés. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Le jour où quelqu'un va me dire que je sens ça, là. Va te laver. Ouais, c'est ça, je vais vraiment être troublé. Mais oui, mais justement, je suis propre. J'en doute même pas. La liste continue sans fin. T'as un sapin de Noël, t'as un chalet de bois. T'as démocrate, évidemment. Gazon fraîchement coupé, du café. Ah là, je pourrais continuer. De l'argent. Hey, ça arrête plus. Allez voir la liste complète sur assemblagerequipe.com. Je pensais que l'argent n'avait pas d'odeur. Ah. Mais tu sais, tu sens le 25 cents un peu, là. Moi, c'est un peu dégueu. Est-ce que tu peux sentir le journal La Galère distribué au centre-ville pour 2$? Je sais pas. Bonne idée. Come on, Mathieu. Come on. Quoi, c'est même pas, même pas méchant. 7$ par savon pour chacun de ces man hands. Ensuite, ça, c'est pas pour les cheap, hein. C'est pas pour les cheap et c'est pas pour les gens qui ont du goût, je pense. C'est une bague à 470 000 $ qui est couverte de peau d'humain et de poêle. Le cœur me lève, très sincèrement. C'est dégueulasse. C'est légal? Apparemment, parce que c'est un gars, un homme lui-même, c'est scrolly rect. Rect. J'arrête ici, là, il n'y a pas d'autre syllabe après. Oui, c'est okay. Rect. C'est sa bague Forget Me Not. Donc, c'est une bague unique dans le sens qu'ils ont pris chez le médecin une bande de peau du gars. J'imagine que, je sais pas si vous voulez. Ben, pourtant, il est pas gros dans l'image qu'on voit là, donc je sais pas si c'est parce qu'il était peut-être avant. Ha ha ha ha ha. Perspicace. Ha ha ha. Détective. Donc, c'est ça. Ils ont pris une bande de peau avec le poil, en fait, a pas l'air de venir de son estomac parce qu'il a pas l'air très, très poilu de l'estomac. Là, mais là, je vais arrêter de regarder sa photo de son estomac. Donc, une bande de 4 pouces par 0,4 pouces. C'est sur son abdomen. C'est couvert. En fait, ça couvre une bague de 24 carats d'or. OK, 24 carats. Uh-huh. Après qu'on lui ait enlevé sa peau, elle a été bronzée. OK, donc chauffée, rendue plus jolie. Ensuite, montée sur la bague. Et ensuite, il a pris les poils de son ventre pour les rajouter par-dessus. Et pour assurer les acheteurs potentiels, et ça veut dire qu'un certificat d'ADN. Et ça vient avec un documentaire sur DVD pour montrer comment ça a été fait. Ça coûte 470 000 $. Et vous pouvez aller voir la vidéo de ces bagues-là en train d'être découpées du gars. Yummy. Hein? Oh, je me sens pas bien. Ben voyons, c'est vraiment dégueu. Ben, je m'excuse. C'est profondément dégueu. 470 000 $, quel imbécile. Je m'excuse, je vais l'acheter. À moins que ce soit pour une bonne cause, c'est pas précisé dans l'article. J'imagine que si c'était pour une bonne cause, ce serait précisé dans l'article. Idéalement, parce que c'est sûrement ça qui ferait vendre, me semble. Mais tu sais, c'est comme un peu de l'or. Je me rappelle pas c'est quoi, mais c'est comme une espèce d'amalgame de deux choses totalement différentes, comme une tasse recouverte de poils, et là, c'est comme une bague recouverte de peau humaine. Ah! Hey, comme bague de mariage, tu sais. Eh ouais, hey, chérie, voici mes poils. C'est comme ma peau. Tu la portes à ton garde. Tu fais partie de journée. Moi. Ouais, c'est ça. Tu m'appartiens. C'est comme ça, une relation fusionnelle. Ah! Ensuite, votre problème dans la vie, je sais que c'est de ne pas avoir de façon de boire votre café dehors alors qu'il fait froid et vous voulez pas porter vos gants. Si vous avez pas de gants, il fait peut-être pas assez froid, mais tu sais, le café, ça fait chaud à votre main. C'est gros problème de café dehors à l'extérieur. Donc, le Drink Master Hoodie, ça va vous permettre de boire votre café en vous réchauffant la main, en vous empêchant d'avoir le contact avec le café. Mais aussi, si vous buvez plus de la bière ou de l'alcool forte à l'extérieur, le zipper est un débouche-bouteille. Oh! Hein? Et il y a même une place pour cacher sa carte d'identité et la sortir facilement dans son manteau pour montrer que vous avez 21 ans aux États-Unis ou 18 ans pour boire dans un bar. Ah. Vous pouvez juste sortir ça. C'est yeah, cool! J'ai le droit de boire. Un manteau d'alcoolique? Un manteau d'alcoolique. J'aime ça! It's for you, baby! donc, allez voir ça et achetez-le pour 60$ sur assemblagerequis.com. C'est pas nous autres qui vous le vendra, mais quand même. Ensuite, une nouvelle montre. Très bon concept. Évidemment, quand je dis concept, ça veut dire qu'on ne peut pas encore l'acheter, malheureusement. Mais c'est une montre qui s'inspire un peu de Windows et des autres produits qui ont tout le temps une barre de chargement, tu sais. C'est ça qui est le fun dans la vie, d'attendre que la barre de chargement se termine. Donc, la montre est basée là-dessus et chacune des lignes de chargement va représenter quelque chose. Par exemple, bon, tu as une barre en haut qui est à 25 % et là, ça veut dire qu'il est 6 heures parce que 6 heures, c'est 25 % de la journée. 6, 12. OK, c'est quoi? Faut que tu calcules? Ouais. J'ai déjà de la misère avec les aiguilles. Ou les palmarès. C'est comme les horloges binaires avec les petits points qui allument. Mais ça, le binaire, là, c'est une affaire encore plus compliquée qu'une barre de pourcentage. Moi, je trouve ça chouette. Donnez-moi l'heure en mort, cool. Tant qu'à ça. Oui. Ou c'était la compagnie Swatch qui avait essayé d'inventer un nouveau système d'heure, mais qui était comme pas, il n'y avait pas de zone horaire dans le monde. C'était comme juste, il y avait l'heure Swatch. Puis c'était sur un système plus métrique de calcul des heures. Bref, allez vous renseigner sur le Swatch Time. Oui, c'est pratique quand t'as pas la même heure que tout le monde. Non, ben faut que tu te rappelles comment fonctionne le calcul mathématique pour avoir ton heure. Puis une fois que tu t'habitues, c'est un peu comme quand tu passes du système anglais au système métrique, tu finis par t'habituer. J'imagine. Et ça fait travailler les neurones. C'est ça, c'est pour les gens intelligents. Bravo! C'est pas pour moi. Donc, 25%, ça veut dire qu'il est 6 heures et puis 45 sur 60. Et là, il y a comme un téléchargement de fichiers DLL, un peu comme à la Windows en dessous. Là, c'est super geek. Là. Ben, ça veut dire qu'il était 45 sur 60. C'est beau, par exemple. Mais ça, c'est simple, là, 45 sur 60, 60 minutes. 45, c'était 45. Oui. Donc, allez vous procurer un jour quand elle sera disponible. Pour l'instant, ce n'est qu'un concept. Ensuite, tiens, rapidement, celui-là est très, très simple. C'est un suçon en forme de bobette. Pourquoi pas? Et c'est à la menthe, comme mes bobettes. Tu portes des bobettes mangeables? Ben là, tu sais, faut bien se sentir frais. Ben, tu nous as dit de déjeuner à la dernière émission. Ok, fait qu'à la pause, on mange toutes les bobettes à Mathieu, c'est ça? Mais là, il m'en restera plus. Je vais être rendu commando après ça. Ensuite, ça c'est cute pour les enfants. Vous voulez leur faire un petit déjeuner, mais vous trouvez qu'un œuf, c'est plate. T'sais, l'œuf, c'est tout le temps genre en forme de n'importe quoi, tout croche, puis avec un jaune dans le milieu, oui, c'est comme boring. Ce matin, l'œuf à Annabelle a explosé dans le micro. Ouais. Tu manges des œufs le matin? C'était pas la fin de semaine? Non, mais c'est parce que c'est des protéines. Ouais. Non, mais tu sais, c'est des petits copes là, en forme d'œuf. Là, tu brosses ton œuf dedans, puis tu mets ça au micro-ondes, puis... Mais une seconde de trop, il a vraiment explosé mais à la dernière seconde. Pas assez brassé, je pense. Ça a vraiment explosé. Là. Vraiment, à la dernière seconde, comme tu sais, le 40 secondes était terminé. Là, ça a fait comme pouf! Ah non! Ça ressemblait pas à la photo qu'on a ici présentement. Ben, ce qu'on a, justement, c'est un moule. C'est juste un moule, comme un moule à biscuits, mais à la place, c'est que, bon, c'est en forme de... Pardon? Petit hockey ici. C'est un genre de mini... C'est l'émotion. C'est ça, l'émotion. Donc, c'est un genre de mini nuage avec un soleil à l'intérieur et puis des petits rayons. Qui vont, dans le fond, l'œuf va se... Il y a des trous entre chacune des sections pour que le jaune vienne s'écouler là. Et le jaune va aller dans la portion soleil et le reste dans les petits rayons. Puis ça va faire un nuage avec des soleils. Avec un soleil. C'est cute, hein? C'est beau, c'est vraiment beau. C'est cool. En tout cas, j'imagine qu'il y a des trous entre chaque. Sinon, il va falloir que tu sépares le jaune toi-même. Non, c'est ça. Mais c'est facile à séparer. Mais je suis pas sûr que tu peux comme le verser dedans puis ça se trie tout seul. C'est ça que je me demandais. Finalement, c'est vraiment compliqué. Ben, ça fait un beau soleil avec un nuage. Ouais, c'est vrai. Faut pas botcher dans la vie. Faut mettre un petit peu d'effort. C'est romantique. T'amènes ça comme déjeuner au lit. Bon matin, mon soleil. Puis là, c'est super cute. Tout le monde braille. Puis... Donc, 12$, c'est le Sunnyside Egg Mold. C'est le design de Heavy Eye Shorin pour Monkey Business. Ensuite, une affaire de police, toi. Tu sais, la police a de la misère des fois à peut-être identifier un suspect. Quand le suspect s'enfuit, puis là, ils sont pas capables de le retrouver, quelque chose comme ça. OK, ça, c'est des balles qui se tirent. Mais les balles sont remplies d'ADN et ça va venir se coller au suspect. Et les balles ont chacune leur ADN. Donc, tu vas pouvoir, après ça, retrouver... Quand tu vas retrouver la personne, tu vas pouvoir t'assurer, s'il y a plusieurs personnes qui ont été tirées par ces balles-là par la police, s'assurer que la personne a commis ou était présente au crime où la balle a été tirée parce que chacune des balles a son ADN et l'endroit où elle a été utilisée. Si, mettons, il tire sur mon manteau. Ton manteau, tu pourrais le donner à quelqu'un d'autre, j'avoue. Ah, toi, t'es un criminel né, là. C'est ça, le problème. Psychopathe. Il y a une faille. On pensait pas avoir affaire avec un gars comme toi. Ça se tire jusqu'à environ 13 pieds. Chaque petite pilule dans le paquet a le même code d'identification. Donc, vous pourriez tirer sur plusieurs personnes, suspects, du même endroit pour pouvoir les relier après ça à ce crime-là. Bref, c'est intéressant. Je trouve une idée qui a peut-être du potentiel. Ensuite, si vous êtes du genre à texter dans la rue alors qu'il pleut, vous avez toujours le problème, un peu comme tantôt avec le gars et son café, vous avez de la misère à tenir votre parapluie en même temps que vous tenez votre iPhone, puis là, tu textes, puis là, hop, ton parapluie tombe, puis là, oh mon Dieu, ça va tomber mal, tu sais. Oui. On a tous vécu ça. À tous les jours. Donc, le Brawley Umbrella, c'est un parapluie ou un parasol, si vous voulez, qui va libérer votre pouce. Donc, vraiment, ça vient comme un genre de knuckle, comment on appelle ça, les knuckles, le truc pour frapper le monde en face. Un poing américain? Poing américain. Un poing américain, évidemment, il y a un américain qui porterait ça. Donc, c'est un peu comme ça, mais après un parapluie. Donc, ton pouce est libéré, ton parapluie tient dans ta main et puis tu peux continuer à texter avec ton... Mais moi, je trouve l'image bien cocasse puisque le avant, il y a quand même le pouce libéré. C'est juste l'image. C'est juste l'image qui est floue. Mais le parapluie est moins... Les couleurs sont plus fades aussi. Oui. Mais je pense que son parapluie était peut-être moins stable alors qu'il n'y avait pas le point américain. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Évidemment, on leur fait confiance. 20$ pour ce parapluie-là. Est-ce que vous porteriez une plante autour de votre cou? Non. Hein? Non? Voyons donc. Rabat-joie. Tu portes tes fines herbes, mettons, pour ton lunch. Tu verses ton pot de basilic dans ton cou, dans ta soupe. Oh, ouais. Un petit peu de terre qui tombe avec. C'est pas grave, ça. Voyons donc, ça va justement plus fort, c'est ça. Minéraux. Donc, c'est ridicule. C'est un joli petit pot qu'on porte autour d'une chaîne, sur une chaîne. C'est imprimé par une imprimante 3D, c'est fait d'acrylique et c'est fini à la main pour être encore plus adouci. Ça coûte 37$. Il y a des instructions pour mettre votre plante à l'intérieur de ça. Les instructions viennent pas avec. Il faut les télécharger sur leur site, quelque chose comme ça. En plus. Mais vous pourriez faire pousser peut-être du persil, comme tu dis, des épices, ou une petite plante de porte-bonheur, un balsam miniature, je sais pas si ça existe. Ça devient peut-être lourd un peu. Oh mon Dieu, ton sapin de Noël dans temps des fêtes. Ah, mais un. Tu le plantes en juillet, tu sais. Pour qu'il pousse, là, au mois de décembre. C'est chic. À quand la version où tu peux te l'insérer entre les deux seins? Non, ça coûte. Je sais pas. Ça coûte. Mais je sais pas combien ça coûte. Bon. Ensuite, un autre problème qu'on a des fois, c'est qu'on a un vieux téléphone cellulaire, mais lui, il n'y a pas de backlight, il n'y a pas de lumière à l'arrière pour pouvoir voir dans le noir quand tu textes ou que tu que t'envoies des messages textes. Donc, il te faut Whirly Lightworks Flat Flashlight. Hein? C'est comme une carte de crédit avec un trou. Ça ressemble un petit peu à la forme d'un iPod classique, là, où tu as genre l'écran carré en haut puis du vide en bas. Donc, tu peux tenir la carte et la mettre sur ton téléphone, tenir ton téléphone avec la carte dessus et là, soudainement, voir ton écran parce qu'il y a une lumière dedans. Ça coûte 25$ en précommande sur Kickstarter, donc on sait même pas si ça va sortir. 3,5 mm d'épais, à peine plus grand qu'une carte de crédit. Donc ça va entrer dans un portefeuille standard ou sinon dans ta poche journalière. Ben c'est cool. C'est cool pour les personnes qui ont un vieux modèle. Là. Non, pas vraiment. C'est une bonne idée. C'est pour ça que c'est la chronique des choses inutiles. Par contre, finissons avec une affaire un petit peu moins inutile que ce que j'ai l'habitude de dire dans l'émission, dans la chronique. C'est ce que ça répond là. Sur le site Kickstarter, encore une fois, on parle d'un nouveau gadget qui commence à faire buzzer un petit peu Internet. C'est le iPen 2. C'est un stylet qui vous permet d'écrire sur vos écrans PC et Mac sans qu'il soit muni de fonctions de toucher interactif. Donc là, le concept est super compliqué, comment ça fonctionne, comment c'est exécuté. Là. Mais l'appareil reconnaît où t'es dans l'écran. Donc tu peux prendre le stylet et aller sur ton écran et lui... Par association, par la grandeur de ton écran, par la comment c'est situé, va savoir ton crayon est situé où sur l'écran et tu vas pouvoir tasser des affaires, cliquer, souligner du texte avec ton crayon sur ton écran d'ordinateur Mac ou PC. C'est cool, je trouve ça particulièrement le fun, ce gadget-là. Oui, particulièrement intéressant. On remercie une certaine Stéphanie Paradis qui l'a envoyé. Une invention qui mérite qu'on s'y attarde et aller voir la vidéo de comment ça fonctionne. Pas besoin de savoir exactement le principe. La chose qu'on a à savoir, c'est que c'est cool. Et que j'en veux au moins deux. Au cas où t'en perds un. Compulsif. Deux ordinateurs. PC Mac. Compulsif. Main droite, main gauche en même temps, ambidextre. C'est ça, exactement, ambidextre. Ambidextrité. Ça va être ça notre prochain surnom au palmarès. On cherche un mot qui commence par tri pour se décrire. On va être l'ambidextrie. Mais ça commence pas par tri. Ouais. Ben, fini ou termine ou dans le milieu. Le triforce. On l'a déjà fait. Trifluvie, on l'a déjà fait. On a fait aussi trident, recommandé par 4 d'artistes sur 5. Voilà pour la chronique, c'est expliqué, ça ne devrait pas. On l'a, allez voir tous les liens, toutes les photos, toutes les vidéos sur assemblagerequis.com. Virgule. Pas de virgule. Pas de virgule. Alors, on va prendre une pause et on revient juste après ça avec la chronique de Stéphanie Paradis. Les petits bonheurs, aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps à l'épicerie. Oui. On va faire notre épicerie. Oh, c'est le fun. Entre amis. Ah, qu'il y a des avantages apparemment à aller à l'épicerie. On va tenter le fromage. Ça crée un coup de poing dans le rose beef. Wow, c'est violent, matin. Il y a pas personne qui a écouté Louis-José Audin ici. Non. On squeeze le fromage, puis on sac des coups de poing dans le rose beef. Dites-moi en plus pendant la pause, voir. êtes assez fou. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Les 7h34, Jean-Philippe Charbonneau toujours là? Certainement. David Ferron est là. Rebonjour. Annabelle Maton. Salut. Stéphanie Paradis. Je ne quitte pas. Je ne me quitte pas. Je ne connais pas les paroles. Non plus. C'est des petits bonheurs! Le bonheur est à la portée de tous. Elle m'a pointé quand elle a dit, quand la chanson disait moche, puis elle a pointé Annabelle pour Rousse. Rousse, ça va, on s'entend là-dessus. Ça. À quand la web radio, c'est fou. Ouais. On dansait tout. C'était assez luxueux, Mathieu. Moche. Moi, bon, mais je connais pas encore assez les deux autres pour être méchante avec eux. Non, puis mais moi, David est facile sa pile. Toi, elle porte. Mais David, il m'a rien fait, là. Non, mais il est facile sa pile. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Hein? Pourquoi lui, t'as rien fait? Moi, j'ai rien fait non plus. Non, mais je veux dire, c'est lui qui a dit David, là. Bon, on arrête de niaiser. Mon Dieu, je vous accuse même pas, ça finit encore contre moi. Stéphanie, on attaque Mathieu. Tout de suite. Bon, j'attendais le silence pour pouvoir enfin dire Stéphanie. Voilà, paradis. Oui. Aujourd'hui, on parle de l'épicerie dans ta chronique Les Petits Bonheurs. Ben oui, Les Petits Bonheurs. Pourquoi Les Petits Bonheurs? Pourquoi? Ben, parce que je trouve qu'on charle beaucoup plus facilement qu'on souligne les petites joies de la vie. C'est vrai ça. Ah, c'est beau, hein? Donc, comme je l'ai mentionné il y a deux semaines, ce qui est relié à nos bons souvenirs d'enfance, souvent, ben, c'est des petits bonheurs qui nous reviennent aujourd'hui. Donc, moi, j'ai des bons souvenirs dans une épicerie parce que ma grand-mère m'amenait souvent à celle de son frère quand elle travaillait là. Les épiceries de famille sont de plus en plus rares. Ben oui, c'est vrai, mais non, mais il y a quand même souvent des noms de famille, là, comme, ouais, tu sais, c'est Boire, un IGA qui s'appelle Paquette, Boire, la famille Boire. Ouais, la famille Boire, moi, je trouve ça très drôle. C'est un nom comme prédestiné, là, ouais. La famille Boire. Ouais, c'est ça. Fait que moi, quand j'allais à l'épicerie avec ma grand-mère, elle me faisait travailler là, je me trouvais bien cool, j'avais le gun de mettre les étiquettes à prix, hein. Parce que là, il y avait des prix sur tous les produits. Mm-hmm. C'était pas juste les étiquettes, là. Fait que là, j'avais les caisses de canage, puis je tac, tac, tac, tac, tac. Et moi, ça me rendait vraiment heureuse. J'étais hot. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous êtes déjà sceptiques quand je dis que faire l'épicerie, ça peut être plaisant. C'est une tâche, blablabla. Faire l'épicerie, c'est une obligation, blablabla. Non. Résume, c'est même ma façon de penser. Cette ère est révolue, messieurs, dames. Faire l'épicerie, c'est le fun. Et voici pourquoi. Pourquoi numéro 1? Ben, c'est comme un grand garde-manger. OK? Mais qu'il faut que tu payes avant de prendre les affaires. Il est pas à toi. Il faut quand même que tu payes pour les amener chez vous. OK? Bon. Tu voles pas ton épicerie, à ce que je sache. Non, mais quand tu l'as payé, il voulait un bout, t'en rappelles plus. C'est ça. Vivons dans le déni, les amis. Oink. Donc, tu sais, le soir, quand on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ouvre le frigo, on ouvre le garde-manger, on alterne entre les deux. On regarde pendant de longues minutes, puis finalement, on trouve qu'il n'y a rien à manger. Quelque chose va apparaître la prochaine fois. On est tout le temps déçus, tu sais. Mais l'épicerie, c'est comme un énorme garde-manger. C'est tout le temps plein. Ça peut juste être complètement extatique que d'être dans un garde-manger géant. Puis si on veut quelque chose, il est là. Non, mais c'est cool. C'est OK? Vrai. Bon. Okay. Ensuite, ben, on peut découvrir de nouveaux produits. Moi, je suis une fille très curieuse, puis j'aime fouiner, j'aime découvrir des nouvelles choses. Donc, souvent, on a tendance à se dépêcher à faire l'épicerie, à acheter les mêmes trucs semaine après semaine, toujours opter pour les mêmes aliments. Alors qu'autour de nous, pullule de produits inconnus. Donc, si on prend le temps de regarder un peu plus autour, on pourrait se rendre compte qu'on passe à côté de potentielles nouvelles relations alimentaires. La section des nourritures étrangères, là. Tu sais, ou internationales. Ouais, de choses là-dedans. La crépucle. Pour les échanges d'aliments étrangers. Bon, parce que là, par exemple, si on passe dans les fruits et légumes, on va acheter notre fameux régime de bananes, des patates, deux, trois pommes, puis C'est ça. Mais avez-vous déjà essayé le pitaya? C'est bien bon. Le pitaya? Avez-vous déjà, non, essayé le pitaya? Non. Ben, ça n'a pas grand-chose. C'est comme un pain pita? Non, le pitaya, tu sais, c'est comme un gros fruit comme à épines roses, là, pendant dedans, c'est blanc, oui, avec des petits points. J'ai déjà mangé ça. C'est beau. Ah, mais tu savais pas que ça s'appelait le pitaya? Non. C'est le fruit du dragon, aussi. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Mieux connu sous le nom de... Oui, oui, c'est son nom, Dragon Fruit, là, truc. Ouais, c'est ça. Certains jus, des c'est fois. C'est ça, ouais. Il y a du jus de ça complètement, je pense, aussi. Mais ça goûte à rien. Ça fait que du sucre. Mais, du sucre, ben oui, prends une poignée de sucre à la place. Il est-tu bon avec son sucre? Mets du sucre partout. Bah, ben, je mange des fruits. Je mange des fruits. Ben oui, des fruits au sucre. Sinon, avez-vous déjà essayé le fruit de la passion? Ouais, litchi. Ah, litchi, c'est. Ben, j'ai encore une fois tout dans les jus, mais jamais dans les fruits. Non, mais en passant, un litchi comme ça, frais de sec, c'est vraiment dégueulasse. Moi, je préfère la liqueur de litchi. Mais non, le saut, c'est tellement bon. Non, moi, je suis pas capable. Les fruits de la passion, comme demain, il y a bien trop de noyaux là-dedans, ça gosse, tu les têtes, t'es crash, puis c'est comme. Non, la grenade aussi. Mais ouais. OK. Sinon, est-ce que. Avez-vous déjà fouillé dans les trucs bio, dans les trucs sans gluten? Un peu. On prend pas... Ouais, quand même! Ben, j'ai essayé des affaires sans gluten, des fois. J'ai déjà essayé des comment t'appelles ça, des muffins anglais ou gluten. J'ai trouvé ça dégueulasse. Je trouve vraiment pas ça bon. T'es tellement wild. Ouais, c'est ça, moi. Hey, quand même! Hey, moi, j'essaye du sans gluten. Non, mais c'est cool. Faut essayer des trucs. Faut fouiller dans les différentes sections. Pourquoi pas? Puis, c'est pas ça... tellement plus cher, de toute façon, le bio. Ben non, pas tant. Mais tu sais, pour la qualité de l'aliment, honnêtement, moi, mon beurre de peanut, là, du Kraft, je suis plus capable. J'ai l'impression de manger du beurre carrément. J'ai essayé du beurre d'amande. Ça, j'aime pas ça. J'ai pas aimé ça du tout. Mais on l'a essayé. Au moins. On l'a essayé, c'est ça. Bon, mais c'est parfait, ça. Un bain. Mais essaye le beurre de peanut nature. OK. Tu sais, comme le pot qui est genre... Il est vert. Ben, il est vert pour le crémeux, puis comme rouge pour le croquant. Ben, tu sais, c'est bien bon. Ça goûte vraiment les peanuts. Mais c'est juste 100% peanut. Super. Ouais. La façon qu'elle dit le pot, on dirait que c'était Edgar Allan Poe. Le pot. Edgar Allan Poe, le bird peanut. Le pot. Pot, avec une petite attitude. Pot. Pot, yo. Le pot, yo. Pogo? Pot, yo. Non. Po-yo. Froyo. Hein? Yogo. Okay. Po. En tout cas, moi, la semaine dernière, j'ai découvert un sorbet 100% noix de coco. Mm. Puis honnêtement, c'était comme divin, 100% santé. C'est le genre de découverte que j'aime bien. Fait que c'est juste comme de la noix de coco en sorbet. C'est comme... Pour vrai, le sorbet genre maman poule dans section bio là, à l'épicerie, là, chez IGA, entre autres, t'es coeurant. Ben oui. Coeurant. Malade. Vraiment? Ouais. Sorbet. J'en fais du bien bon au pamplemousse, moi. C'est plat, j'aime pas le pamplemousse. Mais voyons donc, comment tu fais? Pour ne pas aimer le pamplemousse. Mais moi, je mets pas de sucre dessus, là, parce que sinon, moi, je trouve que ça sert à rien de manger des fruits si c'est pour acheter du sucre. Full agrumes, là, du vrai jus de pamplemousse, c'est super bon. Hey, prochain petit bonheur de l'épicerie, sentir les fruits. Bon, rappelle-moi de ne pas aller à ton épicerie. Donc, on se met en appétit, on choisit soigneusement nos fruits, puis on se gêne pas pour les humer. Personnellement, moi, l'odeur d'une tomate de serre, ça me fait capoter. Moi, mon père, il y a une serre chez lui, puis je me faufile d'un plant de tomate, là, puis je capote. Ça sent bon, des tomates de serre. Sincèrement, oui. Sincèrement? Ouais, c'est bon, hein? Ouais. Ensuite, petit bonheur de l'épicerie, les dégustations. Ah oui, ça oui. Hein? Il y en a jamais quand j'y vais, jamais, j'arrive tout le temps trop tard. Ouais, tu y vas pas à bonheur? C'est bien. Puis, tu sais, on est tous au courant qu'il faut pas faire l'épicerie quand on a faim, parce que sinon... mais non, on le fait tous. On va tous à l'épicerie quand on a faim. On le sait, faut pas le faire parce que ça coûte tout le temps beaucoup trop cher. Donc, que Dieu bénisse les dégustations. Ou peu importe. ouais, Dieu, là, c'est général, appelez-le comme vous voulez, là. Petite énergie hautaine, là, élitiste. On peut goûter à plein de trucs qu'on n'achète jamais. Soit parce que c'est trop cher, soit parce qu'on s'en contrefiche complètement. Vous t'en juste pas, mais c'est bon. Oui, mais on peut y goûter. Mais tu sais, c'est l'occasion jamais de se mettre quelque chose sous la dent gratuitement. Qui peut cracher là-dessus? Ben, à part les autres gens qui ont touché à ça avant toi, ont sûrement craché dans leur main. Ben non, mais tu sais, les gens... Mais les petites madames à l'épicerie, ils te font des petites portions individuelles. Mais là, c'est sûr, oui, il faut faire attention parce qu'il y a les dégustations libre-service. Par exemple, les petites trempettes, là, moi, honnêtement, je touche pas à ça. J'aime pas faire du double dip avec les inconnus. Ah, j'ai tellement découvert des trempettes dans les épiceries. Ouais, mais tu sais, tu peux l'acheter, l'essayer chez vous parce que moi, la bouche des autres, je sais pas si elle était propre. Puis moi, je suis sûr que les bouches des inconnus sont toutes pas propres. Faut faire confiance aux gens là, qui ont toute la bouche propre là, avant d'aller à l'épicerie, tu sais. Non. Non. Sinon, ce qui est intéressant avec les comptoirs de dégustation, c'est qu'après, on peut à peu près calculer le nombre de personnes qui étaient hypocrites en faisant semblant d'acheter le produit. Puis le laisser un peu plus loin dans l'épicerie. Hein? Qui a jamais fait ça par politesse pour la petite madame? Oh. Celui qui n'a jamais pêché, me lance la première pierre. T'as bib un matin. Là. Hein? Non, mais ça me prend tout le temps une petite référence religieuse. Il y a deux semaines, à l'hôtel, c'était les Bibles avec les Gédéons. Et... Hein? Je reviens sur la religion, c'est fou. Je t'appelle Gédéon depuis. C'est Gédéon. Gédéon Paradis. Ça doit être le nom de mon arrière-grand-père à quelque part, ou arrière-arrière-grand-père. Gambader dans les allées. Toi, tu gambades un peu partout où tu vas, j'ai déjà vu. Ben oui, justement, si vous m'avez déjà croisé dans le pavillon, ben quand je suis de bonne humeur, je gambade, ça va plus vite, ça rend joyeux. C'est fun! À Rome quand il y a une mauvaise humeur. c'est ça, quand c'est tranquille à l'épicerie, j'aime ça gambader dans les allées. Je sais pas pourquoi je fais comme une fixation à faire des trucs bizarres dans les endroits publics. Là. Puis là, non, il y a pas de propos louches ici, là, pas de propos pervers. Mais c'est comme aller au restaurant de l'hôtel en pantoufles. Ça, c'est une référence pour mon ancienne chronique, si vous étiez là. Donc, c'est rempli de flashbacks, de flashbacks. De flashbacks, raciste! un autre petit plaisir, jouer à trouver l'intrus. Oh! Il y a toujours des gens un peu trop paresseux qui laissent des trucs par rapport un peu partout dans l'épicerie. J'ai souvent vu des vieux verres à café, des paquets de gomme vide. J'ai même déjà vu un sac de McDo dans une allée. Ben oui, je mange des patates de chez Tim Hortons à l'épicerie très fréquemment, mais je jette mes sacs ailleurs. Je trouve ça. En tout cas, pour vrai, ça n'a pas de place. Ben, faire l'épicerie avec des patates de Tim Hortons, hein, c'est le paradis, ça. Hein? Ben oui, ben oui. Ah, moi, j'ai déjà trouvé un chou dans le congélateur. La personne a vraiment fait il faut que je repose ça tout de suite. Là. Mais ça, c'est un autre phénomène parce que ça, c'est des trucs à l'interne de l'épicerie. Là. C'est vraiment ramener, tu sais, laisser ses cochonneries partout dans l'épicerie. Genre ramener un réfrigérateur dans son chou. Là, c'est comme là, ça par rapport. C'est pas les bébés d'habitude dans les choux? Ah, peut-être. Le congélateur bébé, c'est quasiment pareil. Oh, laissez ton bébé dans le congélateur. Un de bébé mort. Wow. Malade. Oh mon Qu'est-ce Dieu! Tu as fait du bébé? Oh, bon, c'est pas toi qui l'avais? Oh. Oh mon Dieu! Fait que bref, ça peut faire un jeu très cocasse, trouver l'intrus. T'sais, si vous êtes avec votre conjoint ou vos enfants, ils trouvent le talon, ils arrêtent pas de chialer, vous pouvez jouer à le premier qui trouve un objet par rapport dans l'épicerie. C'est comme l'épicerie en folie avec Chose Bin dans le temps. Hey! Christian c'est qui? Christian Thériault. Je pense t'es trop. T'es trop. Mais je pense que t'as raison. Oui, animait ça, l'épicerie en folie. T'avais un défi, fait que t'allais chercher des affaires, du riz, pis des. Ça a pas duré longtemps, oui. Ça, hein? Aux États-Unis, full longtemps. Au Canada, anglais, ça joue encore. Ah, en reprise, ouais. Ah, c'est cool, je vais Il y a une chaîne là, qui s'appelle... Non, parenthèse encore une fois, on parle. Ah, let's go. Ça n'a pas de rapport. Mais il y a une chaîne qui s'appelle Game TV au Canada, oui. Anglais, qui diffuse Supermarket Sweep toute la journée souvent. Fait que c'est bien le fun comme toute émission. Toute la journée. Non, mais souvent, ils font des marathons, puis c'est bien bon. Ah, c'est cool. Pour vrai, là, écoutez ça, là. Moi, ce serait mon rêve qu'on me donne, genre, t'as 10 minutes pour dépenser tel montant à l'épicerie. Hey! Tu sais, tu ramènes des gros morceaux de viande, là. C'est non. Le genre de truc que t'achètes jamais, genre un filet mignon pas coupé, là. Ou pas, Annabelle, ou pas. Plein de sacs de lentilles. Ouh, de la luzerne. Mmh. Biggest loser. Okay. Oh non, j'aurais vraiment avec le gros gigot. Bon, fait que. Ben, c'est ça. Sinon, il y a aussi le phénomène scientifique appelé le chocage. C'est vraiment le vrai nom. Et là, on revient à ton histoire de chou dans le congélateur. Donc ça, le phénomène du chocage, ça consiste en vouloir acheter un article et se désister plus loin dans l'épicerie et abandonner l'item en question dans un autre univers que son propre univers. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cocasse. Il y a toute une galerie photo sur la page de chokeralepicerietumblr.com. Oh, mort! OK. Et on retrouve de magnifiques photos, telles un chip au ketchup à travers les détergents Purex. On a un céleri sur des boîtes de popcorn. On a une bière sur des boîtes de May West. Puis il y a même un poivron rouge à travers les tomates. Pis ça prend vraiment un œil de ninja pour le trouver. Tu sais, si tu le trouves, t'as un bonus de points, là. Parce que là, présentement, on joue avec la personne avec qui on fait l'épicerie. Ben là. Oui. Fait que c'est des ça. Des points d'expérience, des points de. Ouais, c'est ça, tu peux monter tes skills, pis tout ça. Exact. Ouais, monte ton bonhomme. Non, mais moi, j'ai vu de la crème glacée dans la section des pizzas. C'est quand même proche, mais. Ouais, donc c'est un petit chocage. Je ne change pas pris en photo. Mais pour vrai, moi je pense que je vais les prendre en photo puis. Mais moi j'ai une photo du chou. Je trouvais ça tellement drôle. C'est vrai, mais envoie. Ah, c'était lui le site de Tumblr. Ah, merde, je suis dévoilé. C'est toi Tumblr. Monsieur Tumblr Charbonneau. Ah, ensuite, petit bonheur de l'épicerie, croiser des gens qu'on connaît. Tu vois, je dirais pas bonheur dans ce temps-là. Des fois, c'est awkward un petit peu. T'as comme rien à dire. Ça fait des mois que tu l'as pas vu. Quoi de neuf, bof, plein d'affaires. Ben non, mais. Hey, non, qu'est-ce que mais... tu fais là? Ben, non, épicerie, toi? Ben oui, qu'est-ce que tu fais ici? Je savais pas que tu faisais ton épicerie dans celle-ci. Ah, mais c'est beau le rayon des fruits et légumes. Ouais, hein? Belle place, hein, tu viens ici souvent. Là, tu prends note à quelle heure tu l'as vu pour revenir à ce temps-là. Ben oui. Tu manges la pizza congelée. Ah, qu'est-ce qui fait dire ça? J'ai une pizza. Il y en a une, c'est moi, c'est ça. En tout cas, ben moi, je dis que tu as beau travailler tous les jours avec cette personne-là ou la voir quatre fois par semaine dans tes cours à l'université. Oh. Quand tu le croises à l'épicerie, t'es comme hey, salut, tu sais, cette partie, oh, quel moment cocasse. Puis même si c'est la pire horreur à se faire, ben, moi, je le fais pareil. Puis je stationne mon panier en plein milieu de l'allée, puis je jase. Oh! Non! Je deviens une ginette! T'es une plaie de la société! Je deviens une ginette! Je quitte le studio. Ouais, à l'instant, tout le monde ira rien que toi et moi. Ben non! J'ai pas le choix d'être là. Ben non! C'est toi qui m'exaspère. Vous savez bien que je fais pas ça. Okay. Parce que moi, je vais à l'épicerie quand il y a pas personne. Ouais. Fait que je croise jamais personne. Je suis rendu au cap. Je connais personne au cap. Tu sais, on rappelle qu'il y a tout le temps des gens de display de produits devant les rangées ou ses côtés. Fait que là, les gens qui se mettent genre à côté de tout ça, fait que sont ben comme. Oui. Ils restent comme un mètre, demi-mètre. Quand tu regardes, mettons, dans une rangée, mais que tu mets ton panier derrière toi, oui. Fait que tu prends toute la largeur, c'est comme « Non, t'as pas compris. » Ceux qui stationnent en diagonale, « What the? Come on! » Pis ça, c'est pire avec les paniers avec des enfants en avant. Oui. Ils sont immenses. Les petites autos jaunes, ben les petites, les grosses autos jaunes. Pourquoi c'est grand de même, ces affaires-là? Ils devraient jouer à trouver l'intrus avec les enfants en place. Ça serait moins fatigant. Autre petit bonheur. Faire des jokes de phallus! Oui! Je me demandais si t'allais le dire. Ben, j'osais pas. Mais non, mais tu sais, désolé, il y a beaucoup trop de fruits et de légumes avec des fonds phalliques pour passer à côté. Ah, comment? Non, hey. C'est vrai. Ah, Navia, je savais que tu me comprenais. Non, mais quand tu choisis un concombre, t'es toujours un peu gêné quand t'es seule de le tenter pour voir. C'est pas comme des anomalies. Parce que c'est toujours chiant rentrer chez vous puis que le concombre soit plissé. Puis genre. Fait que, tu sais, un peu trop mou puis avec une courbe dans le milieu. Uh-huh. Fait que, bref. Mais justement, tu sais, le problème, c'est juste un petit peu bizarre quand tu y vas tout seul, puis justement, tu tripotes les concombres en criant « Wouh! T'as mangé pour veiller tard! » Fait que là, des fois, les madames, les petites madames me regardent bizarre, là, tu te vires de bord, t'as le concombre dans la bouche, puis en tout cas... Ah! Fait que sinon, on a les spéciaux! Hein? Ouais. Non, mais... T'as changé de sujet vite, je trouve, là. Ouais, quel moment magique que celui de découvrir un de tes aliments préférés en spécial, tu le savais pas? Vrai? J'ai rien d'autre à dire. Les poivrons rouges. Il était en spécial. C'est vrai que cette semaine. Quand les poivrons de couleur sont en spécial, je suis vraiment contente. Oh les poivrons God. Verts, aucune fantaisie. Poivron rouge, c'est celui que tu as mangé dans le bureau l'autre jour? Ouais. Ok, je suis pas sûr. Je trouvais ça bizarre, j'avais jamais vu quelqu'un manger un poivron rouge sur le campus jusqu'à maintenant. Okay. Moi, j'ai une de mes amies, elle amenait vraiment son concombre dans les cours et elle mangeait son concombre, pas coupé. Au complet, Non, le concombre, puis crunch, crunch, le concombre, puis t'es comme... Crunch, oh, crunch, le concombre. Il fallait... C'est le bruit d'un concombre. Oui, ça fait crunch, crunch, le concombre. C'est comme Capitaine Crunch, là, c'est des céréales au concombre, c'est ça? Totalement pas rapport, Mathieu. On a poussé le gag trop loin, là. Ouais, comme un cocombe. Ensuite, juger les gens. Dans la bouche, le cocombe, juste pour être sûr. OK, ouais, vas-y. Donc, si à l'hôtel, on peut juger le niveau de la chambre avec les produits qui sont offerts, ben à l'épicerie, on peut juger les gens avec ce qu'il y a dans leur panier. Et tellement. On se fait facilement des préjugés, OK? Par exemple, si j'ai un panier avec du ballonné, 2 litres de Pepsi, 3 boîtes de Kraft Dinner puis des Cheetos. T'es célibataire. Tu bien. Ou je chante des chansons tristes. Mais... Lisa Leblanc. Je me suis inspirée. Bon, on n'a jamais la même image de la personne qui a un panier avec un bloc de tofu, un bouquet de persil, 2 litres de jus d'orange puis un pain multigrain. C'est moi, ça. Mais j'ai une anecdote concernant justement l'espèce de choix bizarre ou les bizarreries de clients. Parce que je travaillais dans une épicerie pendant 5 ans, donc je sais c'est quoi la section des fruits et légumes. Et il y avait un monsieur qui avait besoin de son... je me rappelle plus combien de grammes, mais c'est toujours le même poids de raisin rouge. Si c'était pas à 0.1 gramme, de près, le monsieur était pas content. Il fallait vraiment que j'aille à la balance peser. Puis là, je tâtonnais pendant 10 minutes. Wow. La petite raisin où il y avait une madame qui voulait vraiment avoir des tomates rouges. Puis elle demandait 50 fois, est-ce que les tomates sont rouges? Là? Sont-ils vraiment rouges? Mais au pire, regardez, étais-tu daltonienne? Mais non, je pense... Peut-être. Non, je pense qu'elle avait de la pression parce qu'elle avait l'air vraiment nerveuse. Ben, ça doit être le rouge qui la rend nerveuse parce que c'est prouvé, ça. C'est un petit taureau. Non, madame, nos tomates sont pas rouges, mais vous, vous êtes sur le bord de péter. Ma péter à tomate, hein, ça sert à la sexuelle. Ma péter à tomate? Come on! Hey, j'espère qu'ils écoutent le bonjour, ces deux clients-là. J'espère. Ça doit être ça a l'air du genre à aimer Chino. Oh, mais il était bien fin. Justement, là, présentement, je suis le Kilo Solution qui est... un petit livre de recettes, là, puis on a fait comme la liste d'épicerie, puis c'était, pour la semaine, c'était 22 raisins. Là, mais justement, compte-les un par un à la place des pesées pour aller à la gramme. Mais c'est ça, mais moi, je trouvais ça drôle, je me dis si je vais à l'épicerie, je vois quelqu'un en train de compter ses raisins, il est en train de faire le même livre que moi, c'est clair, sinon tu comptes pas tes raisins, là, tu vas à l'œil. Comment? C'est vos feelings. C'est le 2.1, la version 2.1 du livre. Ouais. Voilà. Mais moi, j'y vais au feeling. Updated. Oh, mon Dieu. Hey, aussi, on a eu... ben ça, c'est une chronique interactive. J'ai eu des commentaires d'auditeurs. Wow! Ah. On a, entre autres, M. Philippe Chandonnet, étudiant en enseignement des mathématiques, qui dit aimer faire son connaisseur dans la section des fruits et légumes parce qu'il a déjà travaillé là pendant 2 ans. Donc, pour vrai, moi, si j'avais ces connaissances-là et que j'allais à l'épicerie avec quelqu'un, je serais vraiment hautaine. Et je démontrerai toutes mes connaissances. Moi, je suis du genre à dire ce n'est pas une pomme grenade. C'est un anglicisme, mon cher. On doit dire une grenade. Mm-hmm. Je serais du genre à faire ça, par exemple, pour montrer que je connais mes... Hey, là, tu ferais péter la tomate. là, c'est sexuel ou méchant? Je sais plus. Hein? OK. Ah. Sinon, on a aussi Monsieur Fitzbé, je ne dirai pas son prénom pour garder l'anonymat. Oui, oui, on va l'appeler Poulamont. Fitzbé. Poulamont Fitzbé. Donc, on a Monsieur Poulamont Fitzbé. Qui... Je fais comment? Hey, bonjour, c'est José Poulamont. OK, je vais l'avoir. On a aussi Monsieur Poulamont Fitzbé. Qui... Non, je veux l'avoir. Arrêtez de rire. OK. Ben pour c'est toi qui ris beaucoup. Tu nous fais rire, en fait. Oui. Donc, on a... Simon Fitzbé, OK, ça va. On a Monsieur Poulamont Fitzbé qui dit que son passe-temps à l'épicerie est de cacher son alcoolisme en dissimulant sa bière sous sa nourriture. C'était juste ça. Oh, mon Dieu. Mais où met-il son poisson? Son poisson? Il s'appelle Poulamont Fitzbé. Ah oui, Poulamont. Okay. Les petits Poulamont, c'est des petits poissons. Oui, des les poissons des chenaux, là, la neige, glace, trou rond en glace. Hey, mais j'avais une autre anecdote. Est-ce qu'on a le temps? C'est un monsieur, parce que les revues à potins, c'est toujours en dernier. Puis il y avait une madame qui voulait le cacher pour pas que le monde voit en train d'une revue à potins, mais ça paraissait trop. Ouais. Puis en plus, elle avait un gros panier, fait qu'elle s'arrangeait pour le mettre au fond. Au fond du panier. Ça, c'est comme lire un archi caché dans un bouquin de philo, genre. Ah, Archi, ça a de la classe quand même. Archi? Ben oui. OK. C'est bon, Archi. Ben oui. C'est un classique, c'est un classique. Bon. Hey, finalement, dernier petit truc plaisant de faire l'épicerie. Ben, c'est un peu comme voyager dans le temps. Personnellement, moi, je vais vous expliquer. Personnellement, moi, je suis une fan de super-héros et de super-pouvoirs. J'aimerais bien avoir le pouvoir d'invisibilité ou, pourquoi pas, être capable de contrôler l'espace-temps. Eh bien, faire l'épicerie, c'est comme voyager dans le temps. Parce qu'on voit ce qu'on va manger pendant la semaine. Dans le futur! Ben oui, faut voir l'épicerie d'un bon œil. Manger, c'est bon. C'est comme une jouissance. On peut alors dire que faire l'épicerie, c'est comme les préliminaires. Ça nous fait saliver sur ce qui s'en vient. C'est beau, hein? Ah, c'est songé, ça y a fait super bien. C'est poétique. Wow. Hey, ben c'est terminé. Merci. Mais je vais vous emmener en musique une petite chanson thématique. C'est Lost in the Supermarket du groupe The Clash. Hein, c'est une bonne idée, ça? On écoute ça. Ah, ça tout en salivant sur son concombre. Oh, oui. Mouvement de va-et-vient de concombre. Ou encore mieux, une courge butternut. OK, yes, t'as même le package deal. Yeah. High five. Firé. Lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I wasn't born, so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. I heard the people who live on the ceiling scream and fight scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. All lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a kind of personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons and packets of tea. I've got my giant hit discotheque album, I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in halls and the pipes in the walls distant callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. In the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. C'était The Clash et Lost in the Supermarket. C'est comme ça que se terminait la chronique de Stéphanie Paradis, Les Petits Bonheurs. Les Petits Bonheurs. Et on te retrouve dans deux semaines. Ben, je vais être là la semaine prochaine aussi, mais pas avec Les Petits Bonheurs. Ben, exactement, c'est ça, t'as ta chronique Zone Campus, la chronique un petit peu moins intéressante, là. Ben oui, merci. Aux deux semaines entre les deux. C'est une blague. Mais je suis quand même là, c'est cool. C'est ça, une chance. Ce qu'on ferait sans toi? Hey, je sais pas. Ce serait plate. Ouais. On te retrouve au Palmarès C'est fou les jeudis entre 15h et 18h. Hey oui, ça c'est le fun. Ça repasse les vendredis à 17h et les lundis à 14h. Parce qu'à matin. Parce qu'à matin, vous allez se déchirer. Ben non! Hey, mais moi, j'aurais aimé que monsieur ici au fond, monsieur Charbonneau, nous raconte sa petite anecdote d'épicerie. Ah oui, moi? De la fois où il est ou allé. La fois? La ben oui, fois. Parce que j'ai commencé mon anecdote en disant « Hey, une fois, je suis allé à l'épicerie. » Tout le monde a fait « Wow! » Grand fois, fou. C'est un gars. Ouais. Et puis, grand ouais, fou. Ben c'est ça, donc j'étais en train de payer, justement. Puis la madame qui était derrière moi, disons la dame plutôt, a acheté un concombre et de la vaseline. En même temps, c'est tout. T'sais, mais juste ça! Va à deux épiceries différentes. C'est la seule fois où la caissière a dit « Voulez-vous, allez-vous prendre un sac? » Elle a juste fait « Hey, je pense que je vais y donner un sac. Mais au moins, achète quelque chose d'autre pour oui. camoufler... Ouais. Évite les Kleenex. Au moins 15 ouais. autres éléments. Ouais, des scottes à wall avec ça. Non, achète ta vaseline à l'épicerie, comme tout le, à la pharmacie, puis ton concombre à l'épicerie. Un sac à poubelle pour couvrir. Il manquait juste la bouteille de vin. pour cette soirée en tête à tête. Oh my God. Et puis, le magazine Fa. Manquait juste la fondue. La fondue. Donc, voilà, je la salue, ça reconnaît. Oui. C'est rendu ta meilleure amie depuis. C'est ta copine. Ben oui, on a tellement ri d'elle. Voilà. Voilà pour les petits bonheurs. C'est là-dessus qu'on va se terminer pour vrai cette chronique-là. Mais je pense que ça finissait bien comme ça. C'est fini comme ça. Si raide que ça. Si raide que ça. Comme un concombre. Mais j'ai pas tenté le concombre là, avant. Je sais pas si il était raide. Tenté le concombre. Ouais. Cute. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec plein de bonnes choses. La chronique de David Ferron s'en vient. Puis vous êtes mieux de pas dire assez plate la musique comme d'habitude. Parce que là, j'en ai assez. Je veux pleurer. Puis je vois du triangle. Ding, ding, ding. Mais voyons, c'est qui se passe. C'est pas. Caroline, David, je blague, mais je vous avertis. On est loin de ce que j'ai présenté au cours des dernières semaines. Parce que là, on va présenter du jazz classique et même des sons un petit peu tribal. Donc, ça se peut que ça soit déstabilisant, mais c'est un autre univers qui va être vraiment intéressant. On s'attend à rien de moins de ta part, David. Ça va être fou raide. On va aussi avoir Annabelle Maton et sa chronique Je t'aime moi non plus qui s'en vient tantôt. Yep. Ouais, et tu nous parles de quoi? On va parler de fantasmes et de paraphilie, genre des fantasmes un peu déviants. Ça va être le fun. Je veux même pas dire parlant de déviants, je vais juste dire. Oh oui, tu voulais dire ça. C'est clair que tu voulais dire ça. Daniel Janvier va aussi être avec nous pour la dernière heure, la deuxième heure de l'émission. Ben ouais. Parce qu'on parle de cul. Ben là, elle parle de ça. Ouais, c'est ça. On peut pas s'en retenir bien longtemps là-dedans. Ben, fait que t'arrives à ce moment-là. Ben oui, je peux me retenir quand même assez longtemps. OK. Tu vas te donner des trucs pour ça. Bah, pense à ta grand-mère. Non, mais ça, c'est pas dangereux pour juste... Ah, mais encore là, ça peut être dangereux. Ouais, hein? De juste comme, oh, plus rien. Ou ça peut te partir un nouveau fantasme. On sait jamais. C'est ton retour dans la deuxième heure d'assemblage. Ricky, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 30 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. C'est moi. Ça va toujours bien, toi? Ouais. Ouais. On a une foule de monde en studio. On va essayer de setter ça pour la chronique de David Ferron qui sort dans quelques secondes à peine. Avant ça, on écoute une pièce des trois accords. Ouais, ben là, on parlait de grand-mère. Je me suis dit, bah. Danny, on te l'a dédié. Ouais. Je me sens tête coquin. Est-ce que c'est celle avec René Martel? Non, hein? C'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. Non, c'est l'autre. Ben, c'est une grand-mère quand même. C'est ça, j'allais dire, ouais. Bon, c'est juste pour le concept, là. Un autre fantasme, voilà. J'aime ta grand-mère. J'aime ta grand-mère. Les trois accords, j'aime ta grand-mère. C'est tout à propos, tout dans notre sujet. J'aime ta grand-mère. OK, on explique la situation. Toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Eh oui, je suis encore là. David Ferron. Je comprends plus rien, mais bonjour. Danny January. Et nos deux choristes se partagent un micro. Salut! Ils parlent en cœur en plus. Ben, la semaine passée, ils m'ont salué en canon, pas en canon. Comme en même les temps. Denis Salut, Dieu plan! C'était beau, je me suis dit, on dirait des jumelles, puis j'ai fait comme. Ah, des jumelles. Ils se pratiquent le soir, même. Ben, c'est cute, hein? Ouais, ils se pratiquent. Oh, on va faire exciter, on va exciter oui. Mathieu demain. Annabelle est venue dormir chez nous hier. Elle est venue, ouais. Ben, Et comme les jumelles dans The Shining. Non. C'est un peu moins sexy. Comme toutes les autres jumelles, sauf ceux-là. Non. Bon. On va accueillir justement David Ferron avec la langue dans ton oreille. Ah non, il l'a en plus dans la mienne. Ah, il y a deux langues? Ah non, lèche pas de même. Oh non. Il lappe. Lapsus. Ah. Oh, mauvaise langue. Lappez bon au concept de chronique. Les choses s'en viennent. La langue dans ton oreille. Hey, c'était la voix de Danny en plus. Je l'ai faite live. Live. Ouais. Pas vrai? Ben oui. Ça paraissait pas, c'est du ventriloquisme. L'as-tu senti? Tu ne veux pas le savoir. Ben oui. C'est ce qu'on veut pas savoir, là, toi. C'est une blague, c'est juste parce que c'était facile. C'est vraiment juste une blague. Ma chronique est une chronique culturelle qui se veut, en fait, un initiateur à l'éveil musical de bon goût. Bonjour, mon nom est Gustave Lafenêtre. Ah ouais! Il était pas mort, lui! Mais non, David! David, calme-toi! Alors, très heureux de vous connaître. Bonjour, Stéphanie et Annabelle. J'espère que vous allez très bien. Hey, enchantée! Hey, seulement, on est sept! Dans le oui, studio. David est dans le coin, évidemment. Il fait il des lapsus. Saigne. En petite boule. En petite boule dans le coin. Il lapsus saigne en petite boule. Petite boule. Et donc, Gustave, c'est toi qui vas faire la chronique de David à sa place aujourd'hui? Oui. Quand même heureux de l'entendre. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu parce que, aux dernières nouvelles, t'étais tombé en amour d'une éléphante, si je me rappelle bien, ou est-ce que c'était David, je les mélange tout le temps. Mais en fait, oui, je suis tombé amoureuse de deux éléphantes. Deux? Oui, qui ont la tuberculose que la France voulait tuer, mais Brigitte Bardot et moi, en fait, on est des amis, Brigitte et moi, on les a sauvegardés. Ouais, mais là, tu viens de dire que t'étais amoureuse, Gustave. Là. Ouais. Excuse, mais bon. En tout cas, l'éléphant est amoureuse de moi. C'est un autre lapsus. Oui. Ah, OK, c'est on bon. On juge pas, là. Mais c'est pas grave. Et la tabarnak d'éléphant est transmise. On est à la radio, là. Bip! Bip à délai. Oh, bon, délai. Excusez-moi. La putain d'éléphant. Pas bien ben mieux, mais... La tabarnouche de sa... Pellipopette. Sapristi. Dumbo, si tu veux. La motadine, elle m'a transmis la tuberculose. Je croyais en être mort, mais je suis... T'es un petit peu dark, ça, de t'es atteint de tuberculose, fait que tu vas mourir, fait que tu... Mais non, je suis guéri! Ah! Ben bravo! Aïe! Tout ça, l'instant d'une minute. Ouais, oui! Ça en est tellement parti des choses. Oh. Il s'est presque fait tuer. Il a presque tué David. Là, après ça, il est revenu. Oui. Puis il repart, puis il remonte. On dirait quasiment de c'est la fiction. C'est un vaudeville. Hein? C'est un vaudeville. Oui, c'est du burlesque. Burlesque. Qu'on appelle l'onomen. Alors, donc, Gustave, tu nous présentes quoi aujourd'hui dans ta chronique? Là? Ben d'abord, on va se réveiller avec une réédition complètement malade d'une chanson que vous connaissez toutes et que vous ne pouviez plus entendre. On va se réveiller avec ça. Oh, I can't style. Comment? Gustave, je dois dire que t'as pas vraiment tant de goût, là. Mais non, c'était une version pour vous réveiller. Je voulais titiller vos oreilles parce que ce que je vous présente, en fait, est beaucoup meilleur. Ça vient des mamies russes. Les mamies russes, ah oui, c'est encore meilleur, les mamies russes. Oui. Nouma, nouma, tant qu'à ça. Oui, nouma, nouma, hé. Mais non, mais on n'est pas loin, là. On est très proche. Bon, là, Gustave, tasse-toi, t'as aucun goût musical. Gustave, calme tes hormones. Paf, paf. Bon, ben là... Attention à ton ordi, Gustave. T'es trop violent. Attention à tes voisins aussi. Oui. Mais Gustave, ça dérange pas, c'est un Mac, l'ordinateur. Gustave est un fan de Windows. Ah, ben oui, c'est ça. Mais là, Gustave, il va se calmer le pompon parce que sérieusement, c'est horrible. Je suis désolé de vous avoir... J'ai essayé de Non, ça, on l'aurait pas laissé faire en ondes. C'est parce que vraiment, il faut encore expliquer, c'est la parenthèse, que David et Gustave sont des frères jumeaux. Un a une moustache, mais l'autre en a pas. Mais tu sais jamais lequel est lequel. Parce que je me rappelle pas, moi, qui c'est quel. Je pensais que c'était un dédoublement de personnalité, moi. C'est peut-être ça. Peut-être dans ma tête. C'est comme, je l'ai pas vu, j'ai juste vu une personne. C'est comme au bain de neige, on voyait juste une personne qui avait des seins qui rebondissaient. Il y avait personne d'autre autour. C'était flou autour. Il y avait juste. On a même fait des photos. Ouais. Et c'est flou, littéralement, autour. Il y a juste. Au moins, elle est dessus. Donc, ça prouve qu'elle existe pour vrai. Elle existe, oui. Ouais. C'était pas une lubie. C'est ça. Ah ouais, il y en avait-tu une avec un cocon puis de la vaseline? Non. C'était caché dans le bikini. Ah! Ben, rebonjour tout le monde. Ouf! Où suis-je? Ben, j'ai un petit peu mal à la tête parce que Gustave, quand il cogne, donc. Ça se peut que je dise n'importe quoi, mais ça, c'est habituel. De ma part, en fait. Au moins, il s'assume. Vous c'est savez... sûr qu'un coup de poêle en fonte, ben, ça fait mal. Ouais. Mais en fait, vous savez que cette semaine à l'université, c'est le carnaval. Ben oui! On t'a vu hier, justement, au bain de neige. Ah ouais, pour vrai? Wow! On a des photos. Ah non, pas des photos compromettantes. Ben, de toi bien musclé et huilé. Pour ça, j'ai vu un concombre passer là-dedans. Hey, les cocombes un matin. Je réussis à faire ma chronique. Ben, c'est bon. On a 6 minutes. Falan. Attends, c'est ça. Ah, ben, c'est bon. Ben, c'est le carnaval cette semaine. Il y a plein d'activités. Et pour être dans la thématique carnaval, je vous présente 3 chansons qui sont reliées au carnaval, soit dans le titre de la chanson ou dans le contexte de la chanson. D'abord, je vais vous présenter une pièce tirée d'une pièce musicale classique. Pièce tirée d'une pièce. Oui. Ben oui, première d'un studio. La chambre, la ben pièce, oui, la salle. Ouais, ouais. Donnez-moi une chambre, à la vie, les enfants. On donne une chambre aussi. Prenez-vous une chambre, toi et ton concombre. OK, la pièce. Bon, on va les laisser tranquilles. Là. Ah, c'est ça, la vaseline dans Moustache à Gustave. Ça il y a une histoire de chambre de concombre et de vaseline. C'était peut-être Gustave, la petite madame. Dans Moustache même, ça veut dire que je me fais tellement des images retrouvées. Je pense qu'on n'a pas defrosté à matin. Je ne suis pas tout où c'est qu'on s'en va. Je pense qu'il a glissé sur une plaque de glace et il s'est frappé à terre. Il y a du verglas encore sur mon cerveau. Là. On va jouer la première chanson, puis après, je l'explique pour qu'on retrouve nos esprits. OK, voici Israel Philharmonic Orchestra. Oui. On pourrait dire bon moment. Bon. Non, mais passe un bon moment. Ouais. Ça va être des meilleurs moments, si on sait. La... Passe à rien. Il se passe à rien. Ou ça passe mal. Trois fois, passera. Trois petits chats. Oui. Faut t'arrêter de rire, sinon je vais te couper en plein dans ton rire. Tu vas faire comme ça. Ça a l'air fou, fait de même. C'était la pièce Aquarium interprétée par l'orchestre philharmonique. Ça va pas bien. un matin. Philharmonique. Philamorveux. Philharmonique. Okay. C'est l'orchestre du Philharmonique. Philharmonique, qu'on dit. Philharmonique. Essaye-le. Philharmonique. Ça, c'est. Philharmonique. Essaye. Fais juste imiter ce que je dis. Philharmonique. Le Philharmonique. Philharmonique. Il l'a eu, le Philharmonique. Bravo, bravo. Qu'est-ce qui se passe un matin? Je marque des notes, puis ça sert à rien. Tu remarques des notes, tu marques des... J'inscris des notes. Mode des narcs. Mais en fait, pour revenir concernant la pièce Aquarium... En la fait, pièce, c'est tiré d'une pièce? Oui, c'est tiré du Carnaval des animaux qui a été composé par Camille Saint-Saëns. Qui a lieu du 28 au 27 février. qui a été composé par Camille Saint-Saëns il y a à peu près un siècle et demi. Sauf que ça jamais, jusqu'à sa mort... Camille Saint-Saëns ne voulait pas qu'on le présente de manière officielle, donc il a fallu qu'on attende 2 mois après sa mort pour qu'on puisse diffuser le Carnaval des animaux de manière officielle. Et Aquarium, c'est une pièce qui a été jouée dans des publicités, dans des films, et même cette pièce-là, elle sert de pièce, pas nécessairement d'introduction, mais à faire patienter les festivaliers durant le Festival de Cannes. C'est cool. Jean-Philippe avait une anecdote sur pièce tirée d'une pièce tantôt. Oui. Ben oui, c'est parce que, ben, en tout cas, c'était un peu bizarre, là, mais je pensais tout le temps à Vache-Kiri là, pendant qu'il disait ça. parce que la Vache-Kiri. Mais pourquoi? Oui, parce que la Vache-Kiri, si on regarde bien sur l'emballage, la boucle d'oreille de la Vache-Kiri, c'est un emballage de la Vache-Kiri. c'est sans fin, là. Comme les poupées russes. Ouais, mise en abîme. Oui, exactement. C'est ce que j'ai dit tantôt, copieuse. C'est comme Slush Bobby. Ben oui, nous autres, on disait comme dans Plastic Light. Une la chanson pièce, qui dit ça. Le loup qui fait ça, justement, c'est un Slush Poppy qui tient un verre avec Slush Poppy. Ben oui. Qui tient un verre avec Slush Poppy, qui tient un verre avec Slush Poppy. Ça finit jamais. C'est ça. Ah, c'est comme la chronique, la langue dans ton oreille. Il y a plein de parenthèses dedans. T'as fait dans une parenthèse dans une parenthèse. T'as fait un petit rire nerveux, Mathieu. Non, mais parce qu'il y a des parents. La prochaine pièce, c'est quoi? Ouais. Attends, si on avait à choisir une je pièce. Je pleure dans mon cœur. Je m'enfonce va jouer le Je pleure dans mon cœur. Oui. De qui? Je pleure dans la pluie. Ah oui! Ah. Tu n'y verras que du non. feu. En fait, je vais vous présenter une pièce qui ressemble pas du tout à du Mario Pelcha. Il a compris ma référence. Oh, oui, la sienne. Oui, en fait, c'est... En fait, la chanson, je vais vous présenter la pièce, ça vient du film Orfeu Negro, qui est en fait un film raciste. En fait, franco-italo-brésilien, qui a gagné en fait la Palme d'Or durant le Festival de Cannes, et ça a gagné également le meilleur film étranger aux Oscars. Et en fait, c'est quoi Orfeu Negro? C'est très simple, c'est la transposition d'un mythe grec, mais en version carnaval de du Rio de Janeiro. Okay. Carnaval de Rio de Janeiro. Donc, ce qu'on va écouter, c'est la pièce. C'est une pièce assez particulière. Merci. Je me rappelle même plus du titre. Ça va pas bien à ma C'est Carnaval par Tigrane. Non, c'est pas celle-là. Non, pas celle-là. L'autre après? Batteria de Capella. Oui, exactement. C'est assez tribal. Ça se peut que soit que ça vous tape sur les nerfs ou soit que vous bougez du popotin. Ça va dépendre. On l'essaye. Oui. Assemblage requis. Là, c'est le bon moment. Là. C'est un flashback. Flashback. Là, je peux dire. Negro. Negro. Negro, ça veut juste dire noir, hein? Ben oui. Ouais, c'est ça. C'est gros sous-entendu, le ouais, problème. Aucun. Oh. Dans le film parlant de train, ben c'est pas tout à fait un train, mais il y a un des personnages qui meurt électrocuté par un tramway. Ah! Et le lien. Y a-tu besoin de lien, David, à date? Non. Oui, attachez-le. Ben, je suis tellement attachant. Oh. Alors, Mathieu, qui a vêtu sa petite jupe hawaïenne? Ben, je l'ai toujours, là, mais aujourd'hui, elle est appropriée. Tu sais. Surtout dans le cadre du carnaval de Rio de Janeiro. C'était pas les babettes mangeables que t'avais tantôt. Je porte tout en même temps, tu sais. Ben, moi, cover, ouais. Undercover, and aftercover. Commando en dedans. T'es comme une tâche postmoderniste à toi tout seul. C'est ça. Mais on t'aime pareil. Oh my god! Une tâche postmoderniste. Ça devient rétro chic. Wow. T'es pas un tableau. En tout cas, ça commence par CHI. Donc, David, toujours la chronique de la langue dans ton oreille. Tu me présentes des pièces carnavalesques de party, de latino, je sais pas quoi. Là. J'aurais dû présenter du Barbara puis de Alain Bachon, ça aurait été tellement Barbara, plus simple. Barbara, c'est si bon. Oui, la prochaine fois, juste pour toi, je fais jouer dit quand revient. Mais c'est pas une toune, ça, c'est un beat, dans le fond. C'est un rythme musical. C'est un rythme carnavalesque. Oui. C'est un rythme de passage. Parce que même tantôt, on l'a jamé en studio puis ça donnait le même résultat. Tu tapes sur la console. Stéphanie était meilleure à la flûte que le joueur de flûte dans cette pièce. Ah ouais. Ouais, Stéphanie. Il y a quand même une... Je suis bonne à la flûte. C'est ce que je me disais. Tu m'inspires. Jouer de la lune. Flûte. Me semble... Vas-y, oui, excuse. Non, mais non. Elle joue de la flûte, hein? Mais non, mais hier, elle pratiquait au clair de la lune de façon merveilleuse, tu sais, à le préciser. Wow. On a essayé de faire le canon aussi, mais ça, c'était autre chose. C'est mêlant. Ouais. Il y a trop d'allusions. Les enfants poussent dans des choux. Les gars, enfants poussent dans des choux. Quel pas le lien, là, canon, flûte, concombre. Je vois absolument pas ce qui est bizarre. Bon, troisième pièce, donc. Vaseline. Là, celle-là, je pense que ça va aller mieux pour la présenter. Je l'ai déjà joué dans mon émission des funs qui s'appelait justement La langue dans ton oreille. Ah, donc, on s'en rappelle là, tous. Ben, oui. J'ai des souvenirs de ça. Je me rappelle comme c'était il y a six mois, genre. Je pleure dans mon cœur et j'ai le goût de me couper les veines comme quand... Tu l'as joué tantôt, celle-là. Ça, c'est la version remix au synthé années 80 chantée par Yvande. On comprend rien. Yvande. Yvande. J'ai pas... Okay. C'est Yvande ou Yvande, je sais plus. Okay. Yvande Deschamps. Non. Mais en fait, la pièce que je vais vous présenter, ça s'appelle Carnaval. Okay. C'est une pièce au piano un petit peu jazzé. Et en fait, c'est interprété par Tigran Amazian, qui est un espèce. Tigran. Il est arménien. Instagram, OK. Ouais. Ben oui, mais il est arménien. Mais c'est vrai que Charles Aznavour vient également de l'Arménie, puis... Il s'appelle pas Tigran, mais c'est pas grave. Mais pourquoi on parle de Charles Aznavour? Parce qu'il vient de l'Arménie autant que Tigran. Ok. Mais il doit y avoir d'autres mondes qui viennent de là quand même. C'est les deux seuls. Mais c'est les deux seuls que je connais, Tigran et Charles. Boulingrin. Et dès l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 3 ans. Moi, je suis épuisé. C'est dur. Ben, je suis plus capable. C'est dur mentalement. On fait des abdos. Wow. Ah, je vais sortir d'ici cote, là. Tu vas me ressembler, c'est bien. Oui, oui, on a tous l'image de David Ferron à la radio avec Gustave. Nu. Nu. Tous. Non. Qu'est-ce que je fais ici? Habillez-vous! Je vais redire. Troisième pièce, on continue. Oui, ben, on va jouer Carnaval de Tigran Amazian. Bon, on écoute ça dans la langue dans ton oreille. Oui. Assemblage requis. C'est dur, c'est dur. Oh, C'était Tigrane Amazian avec la pièce Carnaval tirée d'un album que je vous conseille. Que je con, que tu nous joues en concert. Que tu nous joues en concert. Danny Janvier à la voix. Oui. Oui. Oh yeah. Tiré de son album Affable. Cool. C'était ta dernière pièce carnavalesque. Oui, parce que j'en peux plus. Oui, tu nous dis pas, là, tu ne parles pas des Beatles et de Led Zeppelin. Non, parce qu'en fait, Tigrane, dès 3 ans, il jouait au piano les Beatles, Led Zeppelin à 3 ans. As-tu vu, on apprend des choses. Ben oui, grâce à toi, Danny. Finalement. Je pensais pas apprendre des trucs grâce à toi, Danny. Mm. Et puis aussi, tu dis que ça a, il était gagnant du Victoire en jazz aussi, sorti en 2010. Oui, en fait, Victoire jazz, qu'est-ce que c'est? C'est des prix qu'on remet en France à tous les ans. Mais pourquoi tu nous trouves plein d'informations et tu nous en parles pas? Parce que là, c'est comme on apprend quelque chose. Parce que dans le fond, c'est toi qui veux dire l'information pour avoir l'air plus intelligent. Moi, ah, c'est ça, t'es c'est trop complot. OK, c'est vraiment un bon... un comme complot. Un duo, là, tu sais, t'as le straight man, ben t'as ouais. le beau et la bête, c'est ça. OK, merci. La phrase n'a pas fini, j'aime ça. Non, mais c'est ça, mais c'est ça. Le ce que je faisais. T'as pas un coup de cœur, coup de gueule aussi, quelque chose comme ça? Non, mais on n'a pas le temps du tout. La prochaine fois. Prochaine. Parfait. On te retrouve donc mercredi prochain à 8h pour une autre chronique de la langue dans ton oreille. Si ça vous tente encore. Si c'est le fun comme ça, oui. Oui, on veut que tu reviennes, David, on t'aime. Ah ouais, ben je me trouve vraiment pas bon. Mais nous autres, on t'aime. Merci. On t'aime tous, pour vrai, ouais. À différents degrés. Habituellement, on a une relation de même, David, puis moi, on est le même, on connecte. Pensais pas qu'une tâche postmoderniste aurait des choses intéressantes à dire. Je pense que je viens de dire qu'on avait une bonne relation, puis tu me retraites encore de tâche. Je pensais que c'était fini, ça. Hey, pas ici, il joue. À distance. Je fais mes mains comme ça, puis il fait à distance. Vas-y, fais-le dedans. Je tire la joue de Dan, j'ai envie, puis il ça. Moi, je leur ai crapouti la tête avec mes doigts. Okay. Oui, je faisais des bruits finalement. Il crapoutit la tête avec des doigts comme un insecte. Ça sent bien violent, là. Tu dis. OK. On prend une pause, on revient avec Annabelle Maton et sa chronique Je t'aime moi non plus. Ouais. Yep. C'est incapable. On parle de fantasmes, peut-être encore les cocons, hein? Oh, non. Ça risque d'être plus. Un peu plus trash que ça. Trouve-moi le nom pour quelqu'un qui veut un cocon. Grand-mère. Ah, ouais, la gérontophilie, là. Ouais, c'est ça. Oh, ça sent bien. La gérontophilie, c'est ça. Et donc, tu restes avec nous, Danny? Non. Non. Rassemble ce qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le plan de demain à assemblage requis. Maxime Bilodeau se posera des questions fondamentales dans sa chronique d'une foulée à l'autre. Jasmine Raymond-Dreyville sera avec nous pour la liste des activités et actualités de la GEQTR et on discutera de politique avec notre ami François Landry dans l'Eurocratie 101. C'est demain, 7h. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. We'll be right back. Assemblage, Ricky, en pièces. Détaché, Mathieu, Plante. François, Olivier, Marchand. Sauf François-Olivier Marchand, mais tout le monde de ces fous autres que lui est là. Donc Stéphanie Paradis, Annabelle Maton, Danny Janvier, Jean-Philippe Charbonneau. Oui. David Ferron a pris une petite pause dans le coin du studio où on avait dit qu'il était tantôt puis qu'il se faisait. On l'a mis en pénitence. Il est en train de se planter le crayon dans le bras, c'est pour vous dire. Mais on accueille à sa place Marie-Michel du Carnaval étudiant. Bonjour à toi. Bonjour. On te met ta petite intro, OK? Le Carnaval étudiant édition 2013. C'est fou! C'est fou! Salut Marie-Michel! J'adore cette intro! C'est très très bon. C'est Danny qu'on doit remercier pour ça. Et Alex. Alex. Et Alex. Zwicky. Ben oui! C'est lui qui fait la voix au début. Le beau petit poisson, Alexandre Laramie Zwicky. Ah, c'est un poisson? Ben il y a un poisson de taillé sur le chest pour le calendrier de la huître. C'est très bien. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc Marie-Michel, revenons sur la journée d'hier. C'était super le fun. Plein d'activités qui ont eu lieu sur le campus. Est-ce qu'on résume un petit peu la situation d'hier? Oui, oui. Hier, on a joué au hockey avec les Patriotes. Mm-hmm. On a fait des blagues hier, en fait. Oui, oui. Les étudiants ont monté un petit cinéma maison qu'on l'avait appelé, là, dans le thème du cinémascope. Mm-hmm. Puis, on a eu droit à une belle ronde d'une joke, une bière. C'était le fun d'entendre les étudiants là-dessus. Puis dans l'après-midi, là, on avait eu expert recherché. Donc, on a testé les connaissances des étudiants. Mmh. Ça a été une belle journée hier. On aime vraiment. Ça. Et là, on continue aujourd'hui. C'est l'avant-dernière journée. Ça se termine demain, carnaval. Donc, mercredi 30 janvier, quel est le plan de la journée? Aujourd'hui, on commence avec le rallye bottine ce matin. On va tester l'endurance des participants vraiment ce matin. C'est là qu'on va voir c'est qu'il est vrai. La question que je me pose depuis hier soir à minuit, apparemment, selon Jean-Philippe, est-ce qu'il y a eu du sel ou du sable mis sur l'asphalte depuis? Parce que c'est foutrement glissant en ce moment. Je me pose la question aussi, mais on a posé la question et on m'a dit que oui. On ne peut qu'espérer. Ouais, c'est bien, t'as pas besoin de prendre ton auto ce matin. Juste une bonne swing. T'as pas de micro dans le coin, par contre, David. Il n'y a pas de micro. Donc, le rallye bottine, explique-nous un petit peu ce que c'est. Le rallye bottine, c'est quatre stations d'activité. En fait, les étudiants vont se promener. Il y a une course à relais. Il y a des petits défis. Là, on réserve des petites surprises aux étudiants. Super. Ensuite, il y a l'artiste où les étudiants en rang à dessiner un modèle vivant avec quelques contraintes, bien sûr. Ah, dans quel sens dessiner? On doit dessiner sur des toiles, sur du... On peut faire... Ou sur la personne. On peut choisir le mode qu'on veut, en fait. Okay. Là, on peut faire du dessin, de la peinture, etc. Mais on aura un modèle qui va poser, en fait. Ah, je vois. D'accord. Oui, exactement. Ça se déroule à midi du côté du pavillon des arts. Ensuite, il y aura le volleyball des Patriotes qui va avoir lieu dehors, encore une fois. On va voir c'est qu'il est vrai, encore une fois, là. Puis, le retour de la liste depuis hier, là, on a envoyé les étudiants sur la route à la recherche de différents objets, parfois cocasses, parfois difficiles, je pense. Mais c'est ça, c'est là qu'on va voir aussi là, cet après-midi si les étudiants auront été débrouillards et créatifs. Mmh. Et il y a le buffet, finalement, le moment préféré des juges, je crois. Le buffet, les étudiants devront concocter quelques petits plats pour le plus grand plaisir des jeux joués. Donc, est-ce qu'il y a une thématique autour de ça ou on fait juste faire des plats? On fait juste faire des plats, cool. Oui, à 5 heures, là, du côté du 10-12. Puis ensuite, il y a un petit spectacle de variété là, qu'on a appelé le tout pour le tout, en fait. On va voir si les étudiants de l'UQTR ont du talent. Puis, c'est un genre de America's Got Talent, X-Factor, talent à revendre. Ouais, okay, ça, là, oui. Puis ensuite, c'est le tournoi de beer pong ce soir. Puis le départ d'une nuit au carnaval où on envoie les étudiants sur la route, encore une fois, à la recherche de différents comment dire, lieux, objets, différents trucs, là, oui. Je vais faire une publicité. Vas-y. Pour la vente de hot dogs ce soir. Ouais. Ah. Parce que ce soir, c'est moi. Ainsi, ben, en fait, il y a comme deux autres personnes qui vont se joindre à moi pour vendre ces délicieux roteux. À partir de 21h, lettres et linguistiques, venez nous encourager. C'est dit, hein? Oui. Voilà. Annabelle Maton, vous la rencontrerez avec plaisir ce soir. Yep, je vais mettre du ketchup sur vos roteux. Toujours revenir à ça, toi. Hein? T'aurais dû dire de la mayonnaise. Ouais. Non, mais c'est dégueulasse. Un peu. Non. À peine. Du tout. À peine moins dégueulasse que du rouge, finalement. Mais bon. Moi, en tout cas. Oui. Il n'y avait aucun sous-entendu. Ben non, hein. Oh my God. Donc, ça continue. Que... Ce okay. sont des bobards. Super. Donc, ça continue toute la nuit jusqu'à demain. On va te retrouver demain pour parler du plan de la journée de jeudi. Oui. Marie-Michèle Boudreau, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne journée, bon carnaval. À vous aussi. On se met toujours dans l'ambiance du carnaval avec la petite musique en arrière. On reste dedans quelques secondes. Le temps de se revirer de bord et de représenter, en fait, tous les gens qui sont en studio. Toujours Jean-Philippe Charbonneau. Certainement. Danny Janvier. Allô. Les choristes. Salut. C'est comme dans Gilligan et leurs amis. Ils disaient jamais, c'est les on autres. On est comme les figurants. Ouais. J'aime pas ça. Ouais, c'était Ginger et Marianne. Marianne. Qui moi, est Ginger? Moi, je suis Marianne. Ben, Ginger, c'est la rousse. Exact, la rousse. Moi, je suis la Ginger. Elle était niaiseuse en maudit. Moi, j'aimais mieux Marianne. Ouais, moi aussi. Ginger, était glamour, par exemple. Pas mal. Ben, je l'aimais pas, mais elle était glamour. Marianne était comme plus comme tu naïve. Une petite brune. Plus, là, ouais. Oh mon Dieu, comme visage à deux faces. Hein, comme toi, je pense qu'on est parti sur un débat. On va les laisser aller. On va les laisser aller. Pendant qu'on les laisse aller, on va partir l'intro de la chronique d'Annabelle Maton. Voici Je t'aime, moi non plus. Je voudrais et je viens entre tes reins et je me reviens. Et entre-temps, David Ferron s'est rejoint à nous. Bon retour à toi, je tenais à le mentionner. Parce que ça risque de dérailler de sa faute, par sa faute. Fait que si je le dis pas, on saura pas de qui ça venait. Il est tout outré, pauvre gars. Il a raison d'être outré, il est sur son dos depuis tantôt. Bon, mais tu sais, il est littéralement sur son dos. Sur son dos, c'est ça. On manque de chaise. Donc, Annabelle Maton, je t'aime moi non plus, ta petite chronique coquine, tu nous présentes un sujet tellement pertinent à chaque fois, ça change, mais ça reste excitant. C'était un petit peu sarcastique ton affaire, Mathieu. Si le chapeau te fait... Mêlé. Mais je ne le mets pas. Non. Pas aujourd'hui. Pas de chapeau sur le... En tout cas. Ben c'est pertinent. Ça va être un, disons, très léger. Là, je vais parler de fantasmes, puis de drôleries. Très de léger, trucs, hein? Trash un peu. Ça va faire des marbles, des phénomènes. Ah, ouais. Mm-hmm. Hein? Mm. Ben là... Ouais. C'est déjà très léger, tellement qu'on l'entendait rien. Avec des morts. Hey, je vais commencer par définir c'est quoi un fantasme, là, parce que tu sais souvent, c'est un peu nébuleux. Alors, ce n'est pas que sexuel, croyez-le ou non. Ça peut être une fixation mentale ou une croyance irraisonnée qui peut conduire à des actes excessifs. Dans le fond, ben la forme un peu moins trash, c'est la lubie. Du côté du fantasme sexuel, c'est les gens mettons, qui s'imaginent des scénarios érotiques. Ça peut être imaginaire ou non, puisqu'il y a comme certaines personnes qui vont l'assouvir. C'est ça, c'est quand le fantasme dépasse et devient réalité que ça devient quelque chose d'autre ou ça porte le même nom quand même. C'est ça, lubie, c'est le fantasme de vouloir quelque chose. Ben, la lubie, c'est juste... tu rêves, là. Il pensait un peu. Ouais, c'est... Ouais. OK. Ouais, c'est ça. C'est pas obsessif. D'accord. Mettons. Disons-le comme ça. Mais c'est ça. Souvent, le fantasme sexuel ne pourra pas être assouvi dû, justement, à la censure sociale ou religieuse. Il y a le fantasme érotique qui permet d'obtenir certaines satisfactions difficiles à atteindre dans la réalité. Mais le fantasme est possible. Mettons, faire des affaires avec une licorne, ça se peut juste pas. Il y en a pas, licorne. Mais à ce moment-là, je me révèle aujourd'hui. À ce moment-là, tu peux comme aussi te diriger vers les furries, déguiser quelqu'un en licorne. En effet, mais c'est pas aussi réel qu'un vrai. Mais François Legault croit que les licornes existent. Bon, blague politique de la part de David. Non, mais c'est parce que c'est le journal. C'est une parodie du journal oui, de Montréal. Journal, ben ouais. Oui, c'est ça. Sûrement. Oui, c'est ça. Fait que poursuivons avec un top 10 des fantasmes masculins. J'aime ça. Ça, c'est crunchy. On acquiesce top 10. Alors, ça, c'est quoi? Je pense que c'est sur le site de Réseau Contact. Là, il y a comme eu un petit sondage, puis le fun. C'est fiable. Mais c'est tout ce que c'est le monde d'Occupation Double qui a répondu à ça, parce qu'ils sont tous là-dessus, je pense. Mais c'est très québécois, parce que sinon, il y avait comme les sites un peu plus la France. Tu sais, eux sont comme vraiment plus trash que nous. Ils sont freaks, hein, les Français. Ouais, hein? Vraiment. Ils ont connu une baguette. Ou le fun, c'est dépend. Non, mais disons, ils poussent plus loin. La baguette. Ils font bien. C'est ça. Pour le bonheur de madame. Il pousse plus loin. Non, OK. Ça dépend. Certaines femmes pourraient ne pas aimer. Hein? Ouais. Peut-être. Ouais, c'est ça. Alors, numéro 10, coucher avec la femme de son patron. Moi, j'aimerais mieux coucher avec le patron, tout court. On parle des trucs chez les hommes. Pas nécessairement ici, là. Ouais, c'est ça. François-Olivier est en congé de paternité, fait que, tu sais, peut-être que. Relax. Relax. On salue François-Olivier. Il y a Jean-Philippe qui le remplace. Oui, salut. Ah, c'est ça. Va prendre une douche froide, Steph, tu nous reviens. C'est bon. Il y a aussi numéro 9, être humilié par une femme dominatrice. Souvent, ce qu'on peut retrouver, c'est que dans le milieu, ben, tu sais, les fonctionnaires, les gens comme qui occupent des postes importants, souvent, c'est des hommes. Puis, ben, au lit, ils ont besoin de se faire remettre à leur place des fois. Je pense que comme occuper le rôle contraire, ça fait parfois du bien. Il y a... ouais, c'est ça. Stéphanie a chaud. Oh! On est du petit vent. Non, mais tout le monde le sait. Là, moi, je suis une dictatrice. Là, si vous avez besoin de me faire remettre à votre place, je suis disponible. On va faire du bondage. Elle a son kit noir, en plus, aujourd'hui. Tu sais, du petit bondage, tu connais ça? Ouais, attache ta tuque, man. Numéro 8, donner la fessée à sa partenaire. C'est pas un gros fantasme. Pis, d'habitude, ce que tu dis, un fantasme, c'est quelque chose que tu réalises pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, donner une petite fessée, c'est pas. Ouais, mais parce que certaines femmes, ben, pour elles, c'est un peu. Ils aiment pas ça, donc il y a un risque de femme. C'était réseau content qu'il y en avait pas. C'est ça. Ah, okay, c'est ça, Gary. Ah. Mais là, elle critique pas mes sources. C'est vrai, hein? Non, mais je les complémentarise. Il les comprend. C'est bon, ça. En fait, je suis à ton côté, là. Je t'ai défendu. Ah, merci, merci. Il y a aussi coucher avec une infirmière ou une hôtesse de l'air, mais c'est tellement classique. Ça, juste le costume, même s'il n'est pas vraiment littéralement non, en fait, hôtesse de l'air. C'est pas une vraie, on s'en fout. Ouais. Il en vend tellement des costumes, ça s'achète. Ça. Oh my God. Mais je pense que je vais aller à la boutique Passion du centre-ville. Puis je vais aller demander à Anne, la propriétaire, à savoir quel costume se vend le plus. Il y a Wonder Woman. Ouais, je vais faire ma petite enquête, je pense. La religieuse. Oh my God! La nonne avec sa petite jupe ben qui arrive à Noon. Bip! Ouais, c'est ça, j'étais censée m'auto-censurer. Faudrait bien. Les bobettes mangeables de Mathieu. Oh! À la menthe. Mais depuis le temps qu'il les porte, par contre. Ah! Tu as rendu de la menthe poivrée? Oui, c'est chaud en plus. Non, ils ont fondu. Il fait chaud en plus en studio, c'est clair qu'il est déjà rendu commendo. Ça fond dans la bouche. Numéro 6, pratiquer l'échangisme. Oui. Mais c'est ça. Mais Non. Mais non. Ah, faut pas le dire en nom. Non, mais non. Attends un peu, ma blonde. Qu'est-ce que tu voulais dire, Steph? Elle voulait offrir encore quelque chose mais comme tantôt. Mais tu sais, vous savez, pour ceux qui veulent que... Oh, mets un œuf. J'ai rien à échanger. Ben, tu peux te proposer, tu peux te donner. Oui. Encore la science. Allez, Steph, donne-toi. Non, vas-y, mais Annabelle, je pense non, que c'est lui. Numéro 5, avoir une femme trophée à son bras. Une femme trophée. Ouais. C'est quoi ça, genre? Ben, je pense, ben, tu sais, comme quand t'es un douchebag. Un beau corps qui a rien dans la tête, vraiment. Une chicks, là, tu sais. Une douche baguette. Là. Une douche baguette. Ouais. Mais oui. Ben, je me pogne à chucks. J'ai de l'isma. Ouais, mais tu viens de le dire, t'sais, à ton bras, pas chez vous. T'sais. Ah. Ouais. Pas chez avec, juste te faire voir par tes amis, tes collègues, mais pas nécessairement faire des choses avec. Ouais, mais c'est ça. Comme Martin et Matt, mettons les vieilles pantoufles à maison, les chaussures pour sortir, tu sais, comme. Ah. Non. Non, vous l'avez pas sûrement vu, ce sketch-là. Plein de gens comprennent, non? Mm-hmm. Ouais, moi, je comprends. Alors, tu vois, plein de gens. Non, plein de gens. Au moins un. Ben, en studio, c'est un bon pourcentage d'une personne sur ses numéro 4, c'est vraiment trash. Ben, moi, je trouve ça vraiment profondément dégueulasse. Là. C'est coucher avec la mère et la fille. Comment? Non, la fille et la sœur de la fille, peut-être, mais comment? La mère de la fille. Non, mais même à ça, pour la fille, je me sens que je serais pas intéressée à être avec dans le même acte avec ma mère ou même ma sœur. Mais t'imagines, non, genre, ton chum qui tout ton est ton chum qui de baiser ta mère. Non, ouais, c'est une avec question ton d'âge dans tout ça. Là. Non, mais on a tout un bon ami qui a une mère vraiment chic. Cute, ouais. C'est ça, exactement. C'est là que ça vient, oui, c'est ça. Mais de nos jours, je veux dire, une fille qui a 34 ans peut être très, très belle. Stacy Bon, ben, elle peut avoir facilement une fille de 17-18 ans. Voilà. Non, mais c'est donc, correct pour le ça, gars. Ben oui, mais c'était des fantasmes de gars. Ouais, c'est ça. C'est le top 10, donc c'est correct. Mais arrêtez, c'est ça, dans vos arrêtez rêves. De faire vos vierges effarouchées, là. Ça va rester à l'état de fantasme, je crois. Ouais, mais ça, c'est un fantasme. Pas comme donner une tape sur une fesse, là. Ouais, ouais. Ah, mon Dieu. Mais c'est un trash pour certaines personnes, la petite claque sur les fesses. Mais oui, mais j'aimerais pas ça y rencontrer. D'avoir une vie plate. Sois pas dans vos cercles d'amis. Numéro 3, se faire attacher et abuser par plusieurs femmes. Plusieurs femmes. Par plusieurs, pas okay. juste deux. T'es sans plusieurs. Défense sur le main. C'est ben. Comme un gang-bang, mais tu sais, pas beaucoup de bang, mettons. Gang-gang-gang-gang-gang. Bang. C'est gang. Ouais, c'est ça. Bang-bang. Ouais, David fait juste gang-bang, c'est drôle. Ça. Oh my god. Ouais. Ben, je sais pas. Ben, oui, c'est le côté attaché et pas excitant, personne. Non, vraiment pas, parce que c'est ça, tu veux pouvoir faire quelque chose. Te faire abuser. Non, mais mettons, tu te fais attacher, puis après, comme tu sais, t'es libéré, mettons, tu sais, juste pour les préliminaires, t'as plusieurs femmes, puis après, ta blonde fait comme, bon, là, ça suffit, genre, puis là, ben, toutes les filles partent, puis on là, a de la vaisselle à faire. Tu peux te faire attaquer par plusieurs. Tu peux te faire attaquer par plusieurs femmes, juste pas être attaché, faut que tu te défendes. Ben, ouais. Puis là, tu peux faire un combo avec le 3 puis le 4. T'as besoin de tes mains aussi. Je vais prendre un 2, un 5, un 6. C'est comme un gang-gang-bang intergénérationnel. Oui, parce que les femmes sont bonnes pour faire des coups par en arrière. On parle pas de strap-on dildo ici, David, malheureusement. Mauvais goût. En tout cas, je m'en ai dit. Numéro 2, coucher avec une inconnue. Oui. Mais tu sais. C'est une tellement belle inconnue, oh, c'est le fun. Mais là, ben, j'en serais un banc de parc, mettons. Là. Ah, ben, oui, c'est un peu sale sur un banc de parc, je pense, mais bon. Non, mais tu sais. La rencontrer. Okay. Excuse-moi. Ah, c'est vrai, Monsieur Purel. Monsieur Purel, non, mais tu sais, c'est parce que je veux dire, il y a des bonnes qui ont couché là, ça me tente pas. Ben oui, Purel, mais il fait du double dip dans les dégustations à l'épicerie. Mais je ne sais pas, ce que je ne vois pas, elle me fait pas mal. Vis dans le déni. Avec son concombre. Come on, les cacombes. Oui, c'est parce qu'on a juste comme un micro, moi, il y en a deux, puis David m'en sacre un coup. Refaites-le, je veux voir ça. Attends. Je m'en ai dit un slap. Ouais, c'est ça. Un slap, oui. Slap chop. Slap. Slap chop. Ouais, slap, ok. Une bifle, c'est ben, ça? Une petite slap, tu sais. C'est un bifle. Une slap. Non, j'ai dit une bite. C'est un soufflet. Bon. Next, il nous reste seulement le numéro 1, je pense. Ouais. Ben, tu sais, c'est vraiment beaucoup trop classique. Le coucher avec deux femmes en même temps. Jumelle, pas nécessairement. Ben, aussi. Deux amis. Oui. Une rose et une noire, non. Une rose puis une noire, genre. Moi, ouais, Marianne puis Ginger. Genre. Ouais, c'est sûr. Gilligan. Pis, Le capitaine. Gilligan puis le capitaine. Je pense qu'on peut aller en musique maintenant avant de se diriger vers les fantasmes féminins. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Alors, on s'en va avec Dredge et leur chanson Information. C'est délicieux. Ah, son âge requis, c'est la chronique Je t'aime, moi non plus. On revient juste après. C'est cocombe encore. On a vraiment ramené le cocombe comme dans 5 segments. J'ai l'habitude à parler si c'est elle qui fait la chronique puis je rentre dans son. Non, mais colle-toi. Silence là, puis là je ferme les micros ici. Le millionnaire et son épouse, ça va être dans les fantasmes féminins. La semaine prochaine, le top 10 des fantasmes féminins. Fait quand t'as dit ça, ce que tu viens juste de dire là, ça c'est en nom. Le parle encore. Dis quelque chose. Non. Non? Ben t'as dit non. Feelings Alors, rebonjour. Je t'ai mentionné que... Oh, parlant de fantasmes irréalisables, je voudrais profondément écrire au chanteur de Dredge et lui demander s'il nous veux-tu entend. Te pratiquer à faire un enfant avec moi, s'il te plaît. C'est la vie. Juste un coup de pratique. Le premier qui nous le ramène, on lui donne quoi? Hein, c'est bon, pas une payer le plus cher. Okay. C'est l'activité du carnaval. On lui donne des points. On lui donne des points pour son association. Ouais, c'est comme un objet à retrouver. Ouais. Tu sais. Ouais, sauf que c'est marqué dans le cahier du participant qu'il y a des pénalités si on fait une annonce à la radio. Oh! Oh! Fait que tu man. Pénaliseras. Man. Commence pas des mots par P-E-N parce que ça va oui, mal ça. Virer. Ouais, peine, non. Ah. Attends, comme la fameuse guitare qui s'est mise en vente sur Kijiji, vous l'aviez vu? La guitare en forme de. Guitare à peine, que ça s'appelle. Guitare à peine. Guitare à peine. Elle était en vente à Trois-Rivières à 2 500 $. Elle était en forme de pénalité. Exactement. Oh, ouais. J'espère qu'elle s'accorde bien. Elle a un son couillu. Oh my god. Couillu. Alors, du côté des fantasmes féminins, numéro 10. Hein? Oui. Ah oui. Non, oui. On va en apprendre, là, c'est ça? Oui. Ben, pas tant, en pas fait, tant. Parce qu'ils sont plates un on peu. On le sait déjà, comme les filles. Ouais, mais... Allez, vas-y, envoie-nous là. Ouais, c'est ça, sexy boy. Wouh. Ah oui. Quelle surprise. Hein? Non, je suis plus voyeur, moi. On apprend de plus en plus sur ces films. C'est le fun. J'aime ça. Elle partage. On se complète. Ah, tu vas t'exhiber pour moi, Annabelle. Ben, allez-y. Parlez pas de complot ici. T'as dit deux fois, hein, complot. En ouais, excuse-moi. C'est ça. Excuse-moi. Mais tu sais, une fois, comme de un langage très soutenu. Et, c'est ouais, comme c'est cocktail, ça. Hein? Comme cocktail. Si tu le dis sérieusement, tout va bien, je veux dire, avec ouais. Un air, avec un ton posé. Cocktail. Ben, cocktail. Comme boire un cocktail. Ben oui. C'est okay, le nerf de la guerre. Numéro 9. Le nerf. Oui. Ah, le gros nerf. Oui, vas-y, excuse. Exhibe. Exhibe-toi. Montre-nous ça. Numéro 9, on parle d'échangisme encore. Mm-hmm. Ah, ça, il va falloir le faire là, parce que tout le monde en parle. C'est ça. Tout le monde en parle. Ouais. Finalement, tout le monde veut faire ça, là, si exact. Je comprends bien. Là. Tout le monde. Juste non, pour dans le même ordre. Oui, c'est ça. Pas moi, je suis comme non. Tu sais, tu gênes. Tu as l'air de me faire gêner. Ouais, vraiment. Fantasme numéro 8, il s'agit, les, madame, de vouloir. Comment je pourrais dire ça? La l'épicerie, non, mais... les concombres. Prendre le rôle, ben, tu sais, d'être comme une femme objet, finalement, pendant l'acte. Ah, oh, okay. Ouais. OK. Intéressant, ça. Ouais, c'est correct. Ouais. On aime ça. Numéro 7, faire l'amour avec un autre homme. Que qui? Ben, que tu sais. Que son homme. Que ton papa? Oh! C'est dégueulasse! C'est ok, numéro 6! Ferme son micro! Non, ferme pas son micro! Ok, numéro 6. Je me dis, il y en a au moins un pire que moi d'habitude. Un pire? Ouais, ça, hein? Simuler un viol. Hein, ça ressemble à l'autre, de se faire prendre comme un objet. Mais un mesdames, peu, que votre chum, genre, se cache dans le garde-robe, attende que vous vous endormez. C'est dark. Non, non, c'est dangereux. Moi, il va recevoir un coup de batte de baseball sur la tête. C'est clair. Il faut qu'il se cache dans le garde-robe. T'sais, il pourrait juste être en train de manger des biscuits là, en regardant une émission. Des petits biscuits collants. Oui, c'est ça. Ah. Oh, c'est beau faire un flashback, ça. C'est beau. Hein, ça ramène les insides de là, 2 semaines. C'est oh fun. My God. OK. Ah. Hey, numéro 5, les hommes en uniforme. Toujours, ben oui. Poche. Ouais, ben c'est ça, c'est super. Justement. Fait que réseau contact, les filles, non. Non, c'est non, c'est ça. Non, ils sont plates. Ils sont plates, vos fantasmes, les filles. Hey, mais non, mais numéro 4, je te dirais que c'est assez irréalisable, se faire caresser sans rien donner en retour. Souvent, les hommes font comme, bah, fuck off. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est rare, les hommes qui. C'est peu probable. Qui donnent. Mais c'est ouais. Ça. Hein? Mais pis ça nous, se peut. Puis ben nous, oui. Ben, tu sais, des fois, on vous fait genre des fellations comme ben, ça. C'est ça, une fois de temps après en ça, temps, c'est fini, il n'y a plus rien. Oui. C'est plus rien parce que. Parlez donc pour vous okay, autres, là. Parlons-en. Parce que pendant l'acte, OK, mettons, aussitôt que le gars jouit, il n'y a comme plus rien. Mettons, la fille, elle n'a pas eu d'orgasme, mais on dirait que le gars, lui, se dit. Non, faut s'occuper de la fille après. Mais là, quand c'est même, terminé, mais oui. Là. Mais là, mais moi, j'ai envie, genre, de m'endormir et, ou comme d'aller manger. Non, non, c'est parce que vous êtes avec du monde plate. Exactement. Ce que tu parles, là, c'est du monde plate ou bien du monde qui ont. Qui ne pense qu'à eux, les égocentriques. Ouais, c'est ça. Là, moi, je connais pas ça, ce que tu racontes. Mais il y en a beaucoup plus que vous pensez. Ben, désolé, je suis pas avec eux autres, moi. C'est ça. 100% des gars dans le studio sont pas d'accord. Et voilà. 100%. Ça dit tout, hein? Bon, on n'est pas sur réseau contact. Mais je sais pas, le David, il a rien dit, là. Ouais, mais lui, laissez-le faire, il est bien correct là-dedans. Numéro quoi? Lui, numéro 3. Faire l'amour avec deux gars en même temps. Ben oui, OK. Mais c'est ça. Ben non, mais ça, c'est correct. Faut trouver deux gars qui sont willing, par contre. Faut trouver deux gars qui sont willing, ça, c'est plus rare, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est ça. Numéro 2. Tech Chum. Tech Chum. Les gars, tout le monde est ensemble dans le studio. Numéro 2, faire l'amour avec une autre femme. Ben oui. Ouais. Ben oui. Oh, on le voit ici. Hein. Quelle des dispositions a le plus de chances d'arriver ici en ce moment? Je ne sais pas. Hein? Sûrement pas la numéro 1, faire l'amour en pleine nature dans un cadre romantique. C'est le numéro 1. Oh oui. Ah. Okay. Ah oui, c'est attends. Tellement quétaine. Ben, conservateur. Mais c'est pas plate, arrêtez. Mais non, c'est pas plate, mais c'est facile. Mais, c'est un fantasme. Mais c'est ça, mais c'est comme la claque sur les fesses. Mais c'est l'amour, ça, c'est un fantasme, fuck le romantisme. C'est comme une claque sur les fesses, là, c'est... Même pas dans un camping public. C'est un fantasme, fuck le romantisme, là. Mais de toute façon, c'est clair que c'est le fun. C'est clair que c'est le fun. Tu fais ta horny, là. C'est le fun dans le bois, dehors. Oui, oui, mais dans mes fantasmes, t'allumes pas des chandelles, là. Je t'ai pas parlé de chandelles. T'allumes un feu de forêt. Je t'ai pas parlé de chandelles. Amène l'ours. Non, mais c'est le cadre romantique. Burn, baby, burn. Tu peux avoir la peau d'ours live. C'est comme il faut que ça fasse mal. Attends, la peau d'ours pas morte. À côté d'un feu de camp, tu sais, comme un petit massage avec de l'huile, un tison, c'est comme merveilleux. Genre, passer un bon. Maman! Je parle pas dans le sable, là! Avec la vaseline. Vous avez pas beaucoup d'imagination. Avec les du muscol, pas. Ben pour lubrifier, voyons! Ah, okay. Du muscol. Ben oui, ça éloigne les bébites. Flock à flock. Justement, parlons de fantasmes bizarroïdes. Oui. Slash paraphilie. Oui. Alors, je vais vous en nommer quelques-uns. L'objectum sexuellum, là. Ouais, mais... Allons-y en rafale. Ouais, OK. On va essayer. Acrotomophilie. Mmh. Avoir comme fantasme d'avoir du sexe avec des individus amputés. Des individus avec des mognons. Ouais. Hey, respectez Martin Deschamps, il vous a rien fait. Il a le droit de faire l'amour, lui aussi. La gauche, toujours la gauche. Je ne suis pas un animal, dit Martin Deschamps. Oh non, mais oh, c'est un peu bitch, ça. OK, on rit de sa musique, pas de lui. Non. OK, mettons, la coprophilie, vous pensez que c'est quoi? Ben, il y a de la crotte. Ah oh, ouais, les excréments. Oui, oui, t'as dit caca, non? Également connu en tant que scatophilie ou fécophilie. Ça sent pas bon. Tant de mots pour ça. Est-ce que c'est comme les Inuits qui ont des différents noms pour la neige? Là, c'est la même chose, mais des différentes sortes de caca? Ben, mais j'imagine qu'il y a plusieurs types de caca. T'es allé chercher non, ça loin, des spécificités. Là. T'sais, faudrait appeler Dr. Paul Caca. Oui, Paul Caca. Oh my god! Il y a la gérontophilie pour faire un petit lien avec les jeunes de la grand-mère. René Martel. Et, ça, on est-tu toujours dans les réseaux contacts? Oui, c'est ça. Non, okay. J'ai été chercher une liste sur Internet. OK, une G-MILF. Good mother, I'd like to. Yuck! Il y a la narratophilie, ce qui m'a fait vraiment bien rire. C'est faire des choses avec un narrateur de documentaire. Ça. Non. C'est Charles Sartre. Utiliser un vocabulaire obscène. Oh, parler sale. Hein. Mm-hmm. Dirty. Dirty talk. Ben, ce qu'on fait ici, finalement. Pas mal. Les Havocs sont en train de fondre, bitch. Ça a l'air pas mal tout de nous exciter. Je veux juste... David. Qu'est-ce que tu dis, donc? Plus... Ah, soutien. Ouais, ça, je voudrais qu'on mentionne qui est soutien sur sa chaise. Vas-y, qu'on entende. C'est ça qu'on compte sur ta chaise. Je veux qu'on entende que David pendant les prochaines secondes. Qu'est-ce que t'as dit? Ah ouais. On va aller le chercher de toute façon. Ben, c'est comme Charles Sartre qui fait « Allez, les ours sont en train d'aller. Ah oui, mon petit ourson dans la nature sauvage. Oui, encore. » OK. Poursuivons avec la nécrophilie. Ah, ben là, on la fantasme connaît. Fantasme de baiser avec les morts. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est un peu classique. Tout le monde en parle. Hey, c'est un peu classique. C'est classique, hein? Oui, là, on en parle parce que c'est dégueulasse. Oui, mais avec les tripes de vampires, là, c'est un peu ça, finalement. Ah, mais parlant de tripes de vampires, attends, il y a la voraréphilie, l'idée de manger ou d'être mangé par les autres, souvent avalé en entier. Ça, c'est pas vampire, c'est cannibale, ouais. Mais oui, mais tu sais, les vampires sucent le sang. En tout cas, lapsus. Ouais. Quand t'as pas le micro, c'est dur, hein, Steph? Elle a de la misère, elle veut plugger ses blagues. Lapsus. Lapsus. OK, d'accord. C'est mignon et attendrissant. On va terminer vraiment. Avec la sacofricose. Les poils, ça. Ça sonne le sucre. Non. Ça, c'est de faire un trou dans sa poche dans le but de se masturber en public. Wow! Ouais. Mais comment ça pour pas que ça paraisse? Vous m'avouez que t'es vraiment un petit... Une petite quichette. Un petit zoui-zoui. Zoui caché. Zoui-zoui. Caché. Mais un truc à essayer, justement. OK, je prends des notes. Un truc à essayer. Ah ouais, Danny. Ah ouais, non, okay. C'était pour le petit trou. Mais c'est une farce, mais bon, on essaie au cinéma avec sa copine. Mm-hmm. Fait un trou dans le sac de popcorn. Sa copine, ta copine, tu dis, ah, vas-y. Ah, mais c'est dégueulasse avec du gras de beurre. Comme dégueu. Hey, il faut éviter de se tromper avec la boisson gazeuse. Exactement. Exactement. Et la paille. Oui. Ça dépend de la grandeur encore là. Et comme elle a dit, il ne faut pas que tu rajoutes du beurre chaud là, quand même dans ton popcorn. Tu quoi? Le sûr. C'est comme lubrifiant. Ah, on est en train d'en perdre un, là. C'est unanime. David, OK, juste pour... Tu peux l'essayer avec un de tes amis, là, David. David est en dessous de la table en ce moment pour se cacher. C'est louche. Ouais. Moi, il s'accroche après ma cuisse. Oui. Je ne sais plus quoi faire. Fais attention au trou dans ta poche. Oui, exact. Sur ce... Sur ces belles paroles, toutes sages. Il est vraiment à terre, pour vrai. Tu t'aides à te relever. C'est sale à terre, en tabarnouche, ça s'est jamais fait le ménage ici. On va prendre une photo. On va prendre une photo pour la mettre sur le site. Prends des photos. Il s'est relevé tout de suite. Oui. Il s'est guéri. C'est drôle comment il ne veut pas avoir de preuves de ça, hein. Parce qu'il se dit que si c'était à la radio et que je fais juste le dire, ça n'a jamais eu lieu, il n'y a pas d'image. C'est pas vrai. Mathieu, tu as-tu dit qu'on était en onde? C'était notre pratique du jour. Comme on fait tous les jours entre 5h et 7h, on pratique l'émission. Puis après ça, de 7h à 9h, on l'a fait pour vrai. C'est puis on pratique. Coupe les moments où je parle. Fait que merci beaucoup. C'est ça. Merci David pour ta chronique qui vient d'avoir lieu juste là. On l'a enlevé au montage. Fait que ça verra pas, mais il verra. Annabelle Maton. Allô? T'as fini, c'est tout? Ben oui. On s'est rendu au climax. Est-ce que vous en voulez plus? J'ai quand même pas... On en voudrait plus la semaine prochaine, mais on en voudrait beaucoup plus. OK. Sans cesse. C'est bon. Donne-moi en plus. Donne-moi en plus, toujours plus. Oh. Oui. Ouais. On se retrouve pour une autre chronique, je t'aime moi non plus, mercredi à 8h30 environ, toutes les semaines ici à Assemblage. Avec plaisir. Oui. Bon. On va terminer l'émission ici aussi. On est un petit peu en retard à peine, mais ça paraît pas du tout. Ça paraît pas pantoute. On remercie Stéphanie Paradis. Ça fait toujours plaisir. Annabelle Maton. Hello. Ben, salut, à la semaine prochaine. Danny Janvier. Ah, je reviens plus jamais ici. David Perron. Moi non plus. Jean-Philippe. Hey, moi, je peux-tu finir avec une joke de concombre? Vas-y. Oui. Est-ce que vous avez vu la nouvelle annonce de... Ben, c'est pas vraiment concombre, mais... OK. À la base, c'est un concombre de cornichon. Non. Ça passe, c'est rassasie le croquant. Oh. Et c'est vrai. Donc voilà, je suis fini sur ces belles paroles. Mesdames, rassasie le croquant. Ah ouais. Rassasie le croquant. T'as une belle bière croustillante et juteuse. Parfait, donc le titre de l'émission est rassasie le croquant. Le croquant. Oh. Je vais l'avoir ici à la fin pour pouvoir m'en rappeler. C'est bon, hein? Oui. La vie fonctionne très bien. On se quitte, on se tire. Le coyote. Oh. Ça va être pas mal. C'est le choix de Jean-Philippe et non le mien. OK, une chance. Hey, j'ai juste sorti le CD, ça veut pas dire que je voulais ça, là. Ben, c'est tout ce que j'ai vu devant moi. Le gars qui se prend pour Neil Young en français. C'est ça. Non, mais c'est vrai, oui, vas-y, garage-la. Tu veux qu'on la joue? On pourrait l'analyser. OK. Elle commence, OK. Tu vas voir tout de suite ce que je veux dire. Musicalement, c'est bien. Tu connais Neil Young quand même assez bien, Jean-Philippe? Très bien, personnellement, oui. Ben, on a super bien. Ben, exactement. Tu vois, il essaie de limiter un peu. C'est piloté, mon grand navire. Neil Young en français, moi, je vous dis. Mais c'est pas mauvais, mais bon. C'est juste pas notre genre. Neil Young, il est meilleur. Tout à fait. Hey, merci, gang. Hey, merci, Mathieu Plante. On va laisser le gars chanter avec son coyote. Bon, j'espère qu'il fait pas trop d'affaires. C'est quoi la filie du coyote? Coyotophilie. La zoophilie. Bon, ouais, c'est ça. Tout simplement. Ou aimer un mauvais film avec Mitsu. Il y a aussi le zoosadisme. C'est faire souffrir ou voir un animal souffrir. Ah, ça, j'aime ça. je salue le renard que j'ai heurté sur la main. Tu t'as slappé. Hommage à lui. Oui, c'est ça. Hey, mais c'est pas ton but, Steph. On a dit ça, on pourrait continuer jusqu'à 11h facilement. Bye. Trésor national.